trouve ce titre très bien, mais à la fin, elle parle comme si elle avait chaud dans la bouche. Oh, c'est bon, c'est chaud. Oh. Ouais. C'est trop ça. Oui, oh, hey, ah, ah. C'est comme vous avez donné à manger un truc trop chaud. Elle chante. Oh, ah. 5h55, soyez les bienvenus les amis. On est vendredi, c'est le week-end Karim. Nous sommes le 22 juin et ça y est. Ah ouais, on a gagné la Coupe du Monde. Je m'emballe un peu mais... Oh. Excusez-moi, on a gagné 2 matchs sur 2 quoi. Ah, ça Oh, c'était bien ce match hier. Oh, ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Non mais à chaque fois il n'y a pas la manière quoi. C'est-à-dire t'es jamais content. Bah, non, mais on joue pas super bien non plus, tu vois, c'est pas vachement encourageant. Tu voudrais que pendant une heure et demie, il y ait un festival incroyable. Voilà, c'est ça que je voudrais. Mais aucune équipe ne fait ça. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi on le ferait? Bah, parce qu'on l'a déjà fait. Non, mais non, il n'y a jamais. Mais même en 98, on oublie, les matchs n'étaient pas tous ouf. Ouais, ouais, c'est vrai. Excusez-moi, on est en train de faire. on est sur l'équipe 21. C'est ça. On s'est trompé de radio là. Qu'est-ce qui se passe? On va gagner quoi. Oh, on revient là. Nous, c'est, on envoie des proutes et on rigole. C'est bien résumé, dis donc. Dans 4 minutes, les amis, on démarre l'émission comme chaque jour. On est là avec vous, c'est le week-end qui arrive. On a plein de choses aujourd'hui. On a plein de choses à faire. Ouais. On a plein de choses à dire, on a plein de choses à faire, on a plein de choses à créer. À commencer par cette journée qu'on démarre tous ensemble. Mais avant ça, 5h55, comme chaque matin, c'est le club du 555. Et attention, c'est un titre, j'ai résisté un an pour le dire. Je vais vous dire la vérité. Ça fait un an que je me dis, ah, je vais lui mettre. Ah, ça lui fera plaisir. À 5h55, ça lui rappellera des souvenirs, tout ça. Et je me dis, non, est-ce que vraiment on a envie de l'écouter pendant 3 minutes? Oh, méchant. Mais est-ce qu'elle a envie de l'écouter pendant 3 minutes? Bah, écoutez, elle est fière. Hein. Bah, on va voir ça dans 3 minutes. Ouais. Coxie, garçon, parce que Laure, avant de faire de la radio, avait une carrière de musicienne, on le rappelle. Tout à fait. Qu'elle va peut-être reprendre, mais ça, on en parlera un peu plus tard dans l'émission aujourd'hui. Voici donc Coxie, garçon. Yes. Ouais. Alors, attention, c'est parti pendant 3 minutes. Écoute-toi, tu as touché les droits d'auteur. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris. D'une voiture au feu rouge, un mec me dit: Eh hey madame, il est quelle heure? Je lui réponds midi, il me dit: Madame, qu'est-ce que t'es bonne, tu veux pas te faire une gâterie? Ses potes rigolent, sur le moment j'ai pas compris. Je réponds: mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman. Le mec me regarde, avec une tête de chien de garde, il fait: ouais, c'est papa de ma mère ou je te défonce? Je lui réponds: du calme Alphonse, je te connais pas, tu m'agresses. C'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses? Il me dit: ouais mais toi je te baise. Je lui dis: ben non justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garçon et garçon. Ma fille, garocon, qui perdent leur cédille. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garçon et garocon. Ma fille, garocon, qui perdent leur cédille. Je continue mon chemin. Au feu suivant, j'entends: eh, hey, grosse cochonne, quand tu veux, je te prends. C'est encore Alphonse avec sa tête de gland. Je lui dis: là, tu t'enfonces, c'est indécent. J'y crois pas, mec, redescends de ta planète. Tu te prends pour Tony Montana, t'as même pas le poil sur la quéquette. Il me dit: vas-y, sois pas vulgaire, tu vas voir où je veux te la mettre. Je dis: c'est moi qui suis vulgaire, non mais là, c'est la fête. Je rêve, pour qui tu te prends maintenant, tu t'arrêtes. Je descends, il descend, je dis: c'est le bordel dans ta tête, qu'est-ce que tu comptes faire? Là, t'es en galère. Je veux des excuses, j'attends et je lâcherai pas l'affaire. Il me dit: non, toi, tu t'excuses, espèce de c'est la meilleure, je t'ai donné l'heure, j'aurais mieux fait de me taire. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garçon et garocon, ma fille, garocon. Certains garçons, quelle honte, ils mériteraient une bonne leçon. Tu veux jouer, on va jouer, je lui dis: baisse ton caleçon. Tu parles beaucoup, ça manque d'action. Tu m'as demandé une fellation. Tout à coup Alphonse a une révélation. Il renonce et me dit: ouais vas-y c'est bon, lâche-moi, pardon. Je lui dis: c'est bien, là t'as l'air moins con. C'est pas normal d'avoir besoin de parler aux femmes de cette façon. Y'a un sale problème d'éducation. Pourtant, je suis sûr que t'as un bon fond. Il me dit t'as raison, je me sens tout bidon. C'est mes potes qui me poussent, j'ai la pression. Je lui dis c'est bon, pleure pas, il manquait plus que ça. Alphonse qui fond en larmes dans mes bras. Je lui dis toi t'as besoin d'amour, ça se voit. Allez viens là, fais un bisou à ta tata. Tu sais que garçon, si t'enlèves la zébille, ça fait garçon. Ouais, garçon, con, ma fille, garçon. Bon réveil sur Énergie, il est pile 6h. Qu'on amène le coq. On est avec vous comme chaque jour pour démarrer cette journée, pour créer ensemble cette journée. C'est vendredi, c'est le week-end qui arrive. Ah ouais, oh, ça y est, on y est là. Alors restez encore 3h30 dans le studio s'il vous plaît. Ok. On va s'écouter Calvin Harris, ça arrive pour vous juste après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Du grand bleu au programme dans le ciel ce vendredi. On reste donc sur la tendance des derniers jours avec du soleil à perte de vue. Même constat d'ailleurs pour ce week-end et la semaine prochaine avec de fortes chaleurs annoncées. Pour l'instant, c'est encore plutôt frais au réveil dans la moitié nord avec 10 ou 11 de moyenne. Déjà 25 degrés tout de même en revanche à Montpellier en ce moment. Cet après-midi fera 18 degrés à Brest, 22 à Auxerre, 28 à Toulon. Une bonne chose de faite, deuxième victoire en deux matchs de Coupe du Monde et une qualification en poche pour les huitièmes de finale, c'est officiel. Les Bleus ont battu hier le Pérou 1-0 grâce à Kylian Mbappé, le plus jeune buteur français de l'histoire du Mondial à seulement 19 ans. Reste un match de poule mardi face au Danemark, un nul suffira pour terminer premier du groupe. Ça va beaucoup moins bien en revanche pour l'Argentine de Lionel Messi au bord de l'élimination après la défaite 3-0 contre la Croatie. Dans l'actu également, la grève à la SNCF, trafic moins perturbé que ces dernières semaines. Aujourd'hui on table sur 9 TGV sur 10. 3 TER et Intercité sur 5 en circulation. Fin de cet épisode de la mobilisation des cheminots dimanche matin. Autre programme, celui du bac ce vendredi. Les 750 000 candidats entrevoient le bout du tunnel. On boucle la semaine sur une grosse journée. Maths ce matin et langue vivante 2 pour les séries générales aujourd'hui. La journée nationale du don d'organes ce vendredi. Un sujet toujours un petit peu tabou forcément. Et pourtant, il faut en parler avec les proches pour exprimer sa volonté en cas de coup dur. L'an dernier, on a dépassé la barre des 6000 greffes en France pour la première fois. Des milliers de malades sont toujours sur liste d'attente. Vous retrouvez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur dondorgane.fr, dondorgane.fr. Une première depuis 10 ans, la France accueille de nouveau un Grand Prix de Formule 1 ce week-end. Premiers essais, premier tour de piste au Castellet dans le Var aujourd'hui, en attendant la course dimanche après-midi. 65 000 spectateurs venus de tout le pays, mais aussi du monde entier pour voir les meilleurs pilotes de la planète sur les bords de la Méditerranée. David Guetta fera le déplacement pour clôturer le spectacle juste après le podium. Autre événement hyper populaire dans un autre style, le Hellfest a lieu ce week-end dans Loire-Atlantique, 13e édition du festival dédié au métal. 150 groupes attendus dont Iron Maiden mais aussi Johnny Depp. Il jouera d'ailleurs ce soir avec son trio les Hollywood Vampires. Les 55 000 billets ont été vendus avant même l'annonce de la programmation. Et puis il n'y a pas que les supporters de foot qui aiment la pizza, les Tortues Ninja aussi. Les studios hollywoodiens planchent sur un nouveau reboot de leurs aventures au cinéma. Michael Bay a été choisi pour construire le projet. On lui doit entre autres les films Armageddon ou encore la saga Transformers. Pas de date de sortie en revanche pour l'instant, on est encore en stade de production. 6h03, c'est la fin de ce flash. Vendredi 22 juin, bon réveil, bonne matinée, bonne fin de semaine sur Énergie avec Manu dans le 6-9 sous le soleil. Bonne journée. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est vendredi, nous sommes le 22 juin, il y a le week-end qui arrive, la France a gagné hier. Bonjour vendredi. Bonjour vendredi. C'est les Wawa 3 du matin, on est là avec vous. On va s'écouter Calvin Harris dans deux secondes. Vous pouvez nous rejoindre. Comme chaque matin, n'hésitez pas. Notre numéro de téléphone, je vous le rappelle, il est gratuit. C'est le 0870 42 48. Il y a aussi les réseaux sociaux, évidemment. Il y a Facebook, il y a Twitter. Vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9. Et vous pouvez nous envoyer des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. Vous la téléchargez, elle est gratuite. Vous envoyez des messages vocaux et on les écoute pendant l'émission. Pour démarrer cette journée, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Une question existentielle. Oui. Qu'avez-vous mangé hier soir? Nico. Moi, je me suis fait deux parts de pizza et des chips à 17h devant le match. Très sain, très bien. Donc, globalement, voilà, j'ai niqué des semaines de régime pour l'été et de salle de sport. Mais écoute, c'est pas. C'est bien, deux parts de pizza. C'était le match, quoi. Voilà. C'était. Bah, c'est la, forcément. Le match de foot sert toujours à cette excuse. Ouais. Je pouvais pas faire à manger, j'ai et fait une pizza. Là, il y en a beaucoup, quand même, des matchs de foot. Hein. Il faut se calmer. Là. Et alors, tu sais quoi, mais j'ai lu quelque part que les vendeurs de pizza cartonnent en ce moment. Ah, bah oui, forcément. C'est leur moment. Paulette, qu'est-ce que t'as mangé hier? Une salade César. Attends, tout le monde est témoin. Ouais. T'as mangé une salade César? Oui, mais. On est d'accord que la salade César, c'est de la salade. Et du poulet. Ouais. Welcome, t'es vegan. Non, mais j'ai donné, je jure, les bouts de poulet à une copine à moi. Genre, elle a mangé des lamelles de poulet. Mais quel intérêt de prendre une salade César? Parce que j'adore la sauce. Ok, mais pourquoi tu ne demandes pas une salade César sans poulet? Parce que c'était le même prix et elle pouvait manger le poulet. Ah ouais. Et puis, je sais pas, c'était posé dessus, ça me rappelait des bons souvenirs. Ah là, la tristesse. Oh la vegan. C'est comme quand un mec regarde un peu un film de cul. Ça lui rappelle des bons souvenirs. Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, Laure? Un ceviche de thon avec des morceaux de mangue, c'était une tuerie. Ok, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mangé hier? On comprend. du thon cru. Oh, d'accord. Cuit par le citron avec des morceaux de mangue à l'intérieur. C'était une folie. Tu n'as donc pas regardé le foot. Ça se tient. Non, c'est clair, quand elle mange le soir, elle commence à 9h32. C'est quand on finit l'émission. Parfois, déjà, elle commence la sauce à 8h. Dans 12h, j'ai un sévissé de thon. Glandu. Moi, j'ai mangé une tomate et une banane. Oh là là! Ouais. Hey, mais dis-moi, on ne s'en refuse rien? Non, j'ai commencé mon régime pour le Gros du Roi. Ouais. Et là, c'est en bonne voie. Ça a bien commencé. On part la semaine prochaine au Gros du Roi. Mmh. Tu me dis que tu commences ton régime aujourd'hui. Ouais, je m'y suis pris un peu tard. Pas mieux retard que jamais. Non, la prochaine étape, c'est de le commencer dans deux semaines en fait. Non. Après. Non, là, je suis lancé, ça y est. En revanche, je déconseille peut-être le régime glandu de tomate banane, hein, qui peut se terminer par la mort très rapidement. J'ai autre chose aussi. Ah ouais, tu le sais, d'accord. Oh, il a des réserves. Bon, par contre, j'avais bu quelques bières pendant le match aussi. Oui, non, mais c'est bien. C'est bien. Non, mais on avait compris que c'était de la merde. Hein. Ne t'emmerde pas. 6h07, moi j'ai mangé un truc très bon, mais je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire? C'est ma femme qui a fait un truc avec des pâtes et des boulettes, et on coupait les boulettes, au milieu il y avait du fromage, un truc de fou. Oh, mais vous communiquez plus, c'est-à-dire qu'elle te dit plus ce qu'elle a mangé, quoi. Ouais. Non, bah, attends, elle est venue, elle me l'a livré, je l'ai fait là pour moi. Quel terrible, oh là là. C'était hyper bon. Allez, 6h07. Calvin Harris et Dua Lipa sur Énergie. Juste après, c'est les concours du jour. Des gens improbables qui font les choses improbables. C'est dans 3 minutes sur Énergie. Feel your skin on my bienvenue sur Énergie, il est 6h10, on va s'écouter Aya Nakamura, le nouveau, ça arrive dans 3 minutes, et tout de suite, voici des gens improbables qui font des choses improbables, les concours du jour. Ouais, yes. Où on démarre aux États-Unis. Un homme vole un 4x4 chez un concessionnaire, mais il s'aperçoit, une fois qu'il commence à rouler, qu'il n'a pas beaucoup d'essence. Ouais. Voilà. Je viens de tousser. Oui. Ah, ouais. Ça, c'était en dehors de l'histoire. Ah, okay. Ah, d'accord. Du coup, le bonhomme, il se dit... Je vais retourner chez le concessionnaire, je vais l'échanger contre un autre 4x4 car le réservoir rempli. Ah oui, ça m'embête pas. Oui. Problème numéro 1, la police, elle est déjà sur place. Ah ouais. Problème numéro 2, elle reconnaît le 4x4 volé, elle se met à sa poursuite, pas longtemps, puisque du coup le mec est tombé en panne d'essence. Oh non. Eh ben voilà. Moi, le truc qui me choque le plus dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment, il s'est dit que la solution, c'était d'aller plutôt mettre de l'essence dans une station essence. Ah ouais, c'est ça. Plutôt que d'aller prendre un autre 4x4 rempli d'essence. Ouais, le mec ne veut vraiment rien dépenser, quoi. Non, non, c'est ça. Voleur, radin, ouais. Un peu concon, tout. Restons aux États-Unis, un homme braque une banque avec un chapeau de cow-boy et un bandana qui couvre quasiment tout son visage. Mmh. Il réussit à braquer la banque. Il revient le lendemain à la même banque, mais à visage découvert pour ouvrir un compte et y déposer l'argent volé. Ouais. Mais le banquier le reconnaît. Ouais. Comment ? Parce qu'en fait, il avait gardé son chapeau et le bandana, il l'avait mis autour du cou. Oh non. Et ben voilà, c'est malin. Et, ouais. Et voilà, le banquier a appelé la police. Hey, cow-boy un jour, cow-boy toujours, quoi. Hey. Lucky Luke. Et alors, on est là, on est en place. Dernier concours du jour. En Sibérie, un homme vole une motoneige. Mmh. Il la démarre et il va jusqu'à chez lui. Il a été arrêté en moins d'une heure puisque la police, en fait, a juste eu à suivre la trace de motoneige dans la neige. Oh non, ah non, c'est ballot. Voilà, du lieu du vol à la maison du voleur. Ah ouais, encore une enquête bouclée pour Riri, Fifi et Loulou. Allez, on revient tout de suite sur Énergie avec Aya Nakamura. Bienvenue sur Énergie. Ce soir, c'est le week-end. C'est Manu dans le 6-9. C'est le week-end. Looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. choisir une star pour jouer dans mon prochain clip, je ne prendrai ni George Clooney, ni Johnny Depp. Je choisirai, bien sûr, Manu. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et Tal, elle va être avec nous, les amis, lundi matin entre 8h et 9h. On fait l'émission toute la semaine prochaine en direct du Gros du Roi. On sera en public. Et Tal va chanter comme jamais elle n'a chanté. C'est bon, Glandu ? Ouais, c'est bon. Je vous annonce un truc. Ce sera en Facebook Live pour que la France et le monde entier puissent voir ça. Je crois que c'est une première mondiale. Génial. Nous allons faire chanter Tal, si elle y arrive, à dire 3 minutes, dans une position dans laquelle elle n'a jamais chanté. Elle est au courant de tout ce qu'on prépare ou pas ? Alors, pas de tout, mais elle a dit OK. Oh. Ouais. Ah bah c'est bon alors. Ah bah elle a dit OK. C'est peut-être mieux qu'elle sache pas tout. Non, c'est bien comme ça. Ce sera lundi entre 8h et 9h30, Tal sera avec nous. Il est 6h16, on va s'écouter Yana Kamoura, le nouveau. Et juste après, les amis, nous allons réaliser un combat. Oui. Ouais. Entre deux intelligences artificielles. D'un côté, l'enceinte connectée Google. De l'autre, la nouvelle enceinte connectée d'Amazon, Alexa. On leur pose des questions et on verra qui à chaque fois aura la meilleure réponse. Ouais. Cool. Le combat des enceintes connectées, c'est dans 3 minutes. Et j'aime bien prendre cette voix parce que je trouve que ça fait événement. Ouais. C'est après Yana Kamoura sur Énergie. Elle a pas pu mais qui bazar. J'entends des bails à 300 mains. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu es le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu t'aides ça. D'après toi, en katana, baby, tu t'aides ça. En katana, baby, tu dates ça. En katana, baby. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Bon réveil sur Énergie, il est 6h20. On va écouter Ed Sheeran, le dernier. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. Et tout de suite, attention. Un combat. Ouais. Pas n'importe lequel. À ma droite, dans le coin droit, du coup à ma droite, l'enceinte connectée de Google. Elle est là depuis déjà quelques mois. Ah ouais. Invaincue jusqu'à ce jour. Ouais. À ma gauche, la nouvelle enceinte connectée d'Amazon. Elle s'appelle Alexa. Elle est là. Elle est fraîche et elle veut détrôner l'enceinte Google. Ah, challenger. Attention, voilà ce qui va se passer maintenant. Nous allons poser à nos deux enceintes connectées la même question. Et nous allons voir à chaque fois qui aura la meilleure réponse. Ouais. Cool. Tout le monde a préparé sa question ? Oui. Ah oui. Allez. Attention, Laure, quelle est ta question ? Comment camoufler ses kilos superflus ? On y va. Allez. Oh. Ah, ça nous intéresse. Alexa, comment camoufler ses kilos superflus ? Je ne sais pas. Ah, génial. Merci pour ton aide. Google. Ouais. Ok Google, comment camoufler ses kilos superflus ? Voici quelques informations sur comment perdre du poids. Selon YouTube, on réapprend juste à manger pour perdre des cagés. Donc pas de sucre, ni de boisson sucrée et pas de pain. Mais là, elle nous fait un régime, là. Bah, c'est ça. Ouais. Moi, je veux juste camoufler ce qu'il y a là. Ouais, je veux pas l'enlever. Toi, tu vas avoir des grosses fesses, mais des camouflées. Voilà, je veux pas que ça se voit. Excusez-moi, mais alors là, c'est compliqué de dire qui a la meilleure réponse. Il y en a une qui dit je sais pas et l'autre qui tape à côté. Bah, le plus précis, c'est quand même, je dirais, tu vois, sur la bonne voie, c'est quand même Google. Bah, ouais. Allez, un point pour Google. Ouais, ok. Ok, question suivante. Paulette. Alors, quel est le sens de la vie? Oh merde. Ah oui, grande question. On y va. Alexa, quel est le sens de la vie? Certaines personnes découvrent le but de leur vie à un stade très précoce. Les autres mettent une vie entière à le trouver, mais le plus important est de le découvrir soi-même. Oh, dis donc, c'est philosophique. Ah hein. c'est vachement beau. Ah ouais. Oh. Ah ouais, bravo Alexa. Et tout ça, c'est dans dans la boîte. Dans tout ce petit truc là. Attention Google maintenant. Ok Google, quel est le sens de la vie? Il y en a qui disent que la vie est comme une boîte de chocolat, pleine de surprises. Ah oui, c'est Rain Man, ça ouais. Non, c'est Forrest Gump. Oui. La vie est comme une boîte de chocolat. C'est pareil, c'est un mec qui court. C'est génial, c'est drôle. Alors du coup, là, c'est compliqué. Bah ouais. Parce que d'un côté, il y a Google, excusez-moi, il s'est pas fou. Il a juste sorti un truc de film. Ouais. De l'autre côté, il y a de la pensée. Ouais, moi je dirais Alexa, parce qu'au bac philo, tu prends la réponse d'Alexa. Quoi. Ouais, mais au bac philo, si t'as ton enceinte connectée à côté de toi, ça ne passe pas. C'est vrai. Allez, un point partout. Question suivante, les amis. Ouais. On y va, Nico. Demande-lui, veux-tu m'épouser? Alexa, veux-tu m'épouser? Merci, mais ce serait contre les lois de la robotique. Oh, génial. C'est pas drôle. Vraie réponse. Chiant. On va voir si t'as... Ça fait un râteau, hein. Oui. On va voir si t'en as un autre. Ok, Google, veux-tu m'épouser? Je crois que nous étions déjà unis. Pour le meilleur et pour le pire de mes blagues. Jusqu'à ce que la mort de l'Internet nous sépare. Oh, ouais. Ah, j'aime bien. C'est drôle. Il y a une recherche. C'est un peu... Alors, d'un côté, il y a quelqu'un qui te donne une réponse carrée. Ouais, hein, et de l'autre, Google qui rigole. Oui, puis elle te met pas un râteau, Google. C'est vrai. Un point pour Google. Donc, Google allez, s'il te plaît. Ok, l'enceinte Google, 2 points. L'enceinte Amazon, 1 point. Glandu, question. C'est qui a pété? Non, c'est une vraie question. Attends, c'est une vraie question pour l'enceinte ou tu me demandes la main? J'ai la réponse, moi. J'aimerais bien savoir ce qu'ils répondent. Ok, tentons. Alexa, c'est qui a pété? Désolé, je ne sais pas. Oh, elle se mouille pas. Elle sait pas. Elle est pas drôle, elle sait pas. Google. Ok Google, c'est qui a pété? Vous pouvez m'accuser si vous voulez, ça ne me dérange pas. Génial, c'est hyper cool. Ah Google à fond. C'est Google. Ah, génial. Google 3 points, Alexa 1 point. Ah, ouais. Écoutez, c'est gagné. Hein. Ça sert à rien d'aller plus loin, les amis. C'est cool. Génial. Ça fait 2 fois qu'on fait le combat, ça fait 2 fois que l'enceinte Google gagne. Ouais. Il y a de l'humour, il y a plus d'humour. Ah, il y a un peu plus de. Il y a du recul, quoi. Oh, c'est ça, bien sûr. Ouais. Ça, le débat. On continuera le combat des enceintes, surtout qu'il y a, il y a l'enceinte d'Apple qui va arriver. Ah, génial. Ouais. Les robots vont prendre le pouvoir, les amis. Ouais. Ils vont nous remplacer petit à petit, c'est déjà en train d'être fait. Ils sont plus drôles que nous. C'était pas compliqué. 6h24, Ed Sheeran tout de suite sur Energy. Soyez les bienvenus. On est vendredi, on démarre ce week-end ensemble. C'est Manu dans le 6-9 avec vous, comme chaque matin. Merci d'être là. Bon réveil. Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. Friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. empty bottle and telling myself you're happier. Sur Énergie, il est 6h27, on revient dans 3 minutes. On va s'écouter Kinvé, le dernier. Il y aura aussi Kaigo. Et les sondages du matin arrivent dans 10 minutes. Yes. Ah, oui. Aujourd'hui, c'est le 22 juin, nous avons une journée mondiale. Oui. Hein, journée mondiale de l'avocat. Voilà. Le fruit ? Le fruit, le légume, oui, d'accord. Celui qu'on mange. Ah, oui. Parce qu'on aura, on rappelle qu'on ne mange pas un avocat, le monsieur du tribunal. Non. Bah, non. Ouais. Ça ne se fait pas, on n'a pas le droit. Voilà. c'est important de le rappeler, oui. Ce serait dommage de le faire ce matin. Bah, ouais. Ne le mettez pas en salade, c'est grotesque. En fait. On revient tout de suite. Manu dans le 6-9. Manu. 6h, 9h30. Les ouin-ouin. Sur Énergie. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Énergie Music Tour. La plus grande tournée musicale gratuite en France poursuit sa route et s'arrête à Disneyland Paris. Demain, venez défier le rythme pendant l'été des super-héros Marvel. Sur scène, Kenji, Amir, Dadju, c'est Offenbach sur Énergie. Claudio Capeo et Vita, Cécilia Krull et David Moss, Slimane, Kinvé et Kungs. C'est Kungs sur Énergie. Gagnez vos invitations maintenant sur energie.fr. Le Energy Music Tour. Demain. À Disneyland Paris, pendant l'été des super-héros Marvel. Un événement Energy. It's music only. Leclerc. Bah, qu'est-ce que tu fais dans mon congélateur ? Vous avez des glaces Ben & Jerry's, j'adore. Maman, c'est la fête des surgelés chez Leclerc. Et pour bien préparer l'été, tu as 40% de remise immédiate sur des glaces Ben & Jerry's. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le pot de crème glacée cookie dough Ben & Jerry's de 425 grammes, variété au choix, avec 40% de réduction immédiate, est à 2,15€, soit 5,06€ le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Chocolate fudge brownies, cookies, corn, spéculoos. Mmh. Pour votre santé, bougez plus. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Tous les podcasts d'Énergie. Énergie, it's music only. Leclerc. Chérie, en ce moment chez l'auto Leclerc, il y a une promo sur l'achat et la pose de pneus Goodyear, Hankook ou Lofen. Oui, et donc ? Bah, à la veille des départs en vacances, mieux vaut faire changer ses pneus usés maintenant plutôt que sur le bas-côté. Ah bah carrément. Du 19 juin au 14 juillet dans les centres l'auto Leclerc, pour l'achat et la pose complète de deux pneus Goodyear, Hankook ou Lofen, bénéficiez de 15€ de réduction immédiate ou 40€ pour 4 pneus. Voir modalité dans les magasins participants, offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voilà, on a des beaux pneus neufs, deux grandes marques et un prix Leclerc. Et il est content. Parfaitement. Chérie, j'ai une grande nouvelle. On change de box. Ah bon? Mais pourquoi? Bah parce qu'en ce moment, Free propose la Freebox Révolution à 19,99€ par mois. On est obligé de sauter dessus. Et en plus, on aura la fibre, t'imagines? Ah oh, oui, j'ai surtout envie de te sauter dessus. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non mais doucement chérie. Merci Free. Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama. En ce moment à 19,99€ par mois pendant un an au lieu de 44,99€. Appelez gratuitement le 1044 ou rendez-vous sur free.fr. Offre soumise à condition, engagement 12 mois sous réserve d'éligibilité à la fibre. Leclerc. Chérie, vendredi et vendredi seulement chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur tous les produits solaires. Oh, c'est super à la veille des vacances. Ah bah carrément, le pouvoir de choisir ses produits en promo sur tout le rayon solaire de ton Leclerc, c'est cool. Vendredi 22 juin chez Leclerc, bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tous les produits solaires. Le super pouvoir d'achat du vendredi, c'est de pouvoir s'offrir ses produits préférés dans ses marques préférées. Voir modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Vendredi, il y a du soleil en promo chez Leclerc. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 6h30, Parfois, la vie vous fait un bras d'honneur. Ouais. Parfois, et je n'hésiterai pas à le dire, c'est le terme technique, parfois, la vie est une pute. Ah, ah oui. Oh, oui. Restez avec nous, juste après les infos, la vie a fait un doigt à Nicolas Duhem. Ah, ouais. Je suis désolé de vous dire. C'est pas sympa. C'est moi ce qui s'est arrivé. Ah, ouais. Restez avec nous, parfois, la vie n'est pas jolie, la vie n'est pas gentille avec nous. On va vous raconter l'histoire de Nico dans 2 minutes, juste après les infos. Il y a Kinvé qui arrive aussi. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. L'été s'est bel et bien installé sur la France. Grand soleil, grand ciel bleu au menu ce vendredi et tout le week-end. Aucun nuage à l'horizon ou presque. Encore de la fraîcheur en revanche en ce moment sur la moitié nord. Mais cet après-midi, il fera déjà un petit peu plus chaud. 22 degrés à Rennes et Dijon au meilleur de la journée. Comptez 25 à Albi, 28 à Fréjus. Les fortes chaleurs, ce sera pour la semaine prochaine. Bravo les Bleus, ils se sont qualifiés hier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde en Russie. La France a battu le Pérou 1-0. Un but de Kylian Mbappé, une deuxième victoire en 2 matchs qui nous envoie donc au prochain tour. Il faudra quand même affronter le Danemark mardi pour la première place de la poule. Un nul suffira. Le programme du jour, 3 nouvelles rencontres, notamment Brésil-Costa Rica à partir de 14h. Le trafic SNCF, 9 TGV sur 10, 3 TER et Intercité sur 5 en circulation pour ce nouvel épisode de la grève des cheminots. Ça continuera demain également. Le bac encore et toujours, avant dernière journée d'épreuve pour les 750 000 élèves de terminale mobilisés depuis lundi. Le programme est assez chargé pour boucler la semaine avec maths ce matin et langue vivante 2 cet après-midi par exemple pour les séries générales. Comme d'habitude, les corrigés seront disponibles sur energie.fr ce vendredi. À Brest, on a déjà pris un arrêté pour limiter les débordements et les beuveries de fin d'examen. Interdiction de détenir et de transporter de l'alcool ce week-end par exemple sur une plage et plusieurs parkings de la ville. Le sport encore avec du tennis. Amélie Morasmo fait partie des favoris pour succéder à Yannick Noah en tant que capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis la saison prochaine. On sera fixé demain après l'annonce officielle. La billetterie est ouverte pour la demi-finale contre l'Espagne de Rafael Nadal en septembre. Ce sera à Lille. Il retombe en enfance. Kenji est à l'affiche du Energy Music Tour de Disneyland Paris. Demain soir, il chantera donc aux côtés de Kungs, Amir ou encore Dadju pour l'été des super-héros Marvel. Et une bonne mise en jambe. Kenji n'est pas remonté sur scène depuis la fin de sa tournée en mars 2017. Il a hâte de retrouver son public et de faire le plein de sensations fortes. Bien sûr, ça me manque tellement de pouvoir faire mes concerts. J'ai envie d'entendre que ça explose de cris, pouvoir faire sonner toutes ces enceintes qu'il y a autour de moi. Tu vois, j'ai envie que ça pète et que les gens ils font la fête et qu'ils oublient tout. Tu vois. Disneyland, bon, je connais, depuis tout petit, je suis tout le temps allé là-bas avec mes parents, mes cousins, tout, ma famille, toujours. Ça va être sympa de pouvoir chanter là-bas. Ça va me rappeler des souvenirs et je vais revenir là-bas en ayant une carrière de chanteur. J'adore Walt Disney, je suis comme un enfant. Hein. Les attractions, je les connais par cœur. Je pense que je vais le refaire un peu parce qu'il y a des nouvelles attractions qui s'ouvrent dans le studio, je crois, Disney Studio. On va les tester. Voilà, une interview signée Morgane Barthélémy, Kenji à l'affiche du Energy Music Tour de Disneyland Paris demain avec Kungs, Amir, Kinvé ou encore Slimane. 6h34, c'est la fin de ce flash. Bonne fin de semaine avec Manu dans le 6-9 sur Energy. Bonne journée. Soyez les bienvenus les amis, il est 6h34, bonjour vendredi. Et n'ayons pas peur de le dire, c'est le week-end. Allez. Dites-vous que le week-end démarre le vendredi matin. Mais ouais. C'est gratuit de se le dire. Ah mais ouais. Ça ne coûte rien. Ouais. Et ça rajoute un jour en plus de week-end. Ouais. Ne le dites pas à votre patron, par contre. Non. Voilà. C'est un secret entre vous et nous. C'est ça. Vous pouvez nous rejoindre comme chaque matin 0870 42 48. On va vous prendre au téléphone. On aimerait partager maintenant des moments de vie, des moments que j'appellerai. La vie m'a fait un bras d'honneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier, mais pour 2 personnes de l'équipe, la vie a vraiment fait un vrai bras d'honneur. Ah ouais. J'en ai vu un en live avec Glandu. Ouais. On va le raconter dans un instant. Oh là là, horrible. Mais Nico aussi, la vie lui a fait un bras d'honneur hier. Ouais, un gros là. Avant de s'écouter Kinvé, j'aimerais qu'on raconte ces deux histoires. Ouais, ouais. C'est qu'hier, donc, je suis allé aux toilettes chez Energy. Et en sortant les toilettes, en fait, donc je me lave les mains. Et pour te sécher les mains, t'as le fameux rouleau en tissu là. Oui. Ouais. Et en fait, je tire dessus et. poum, le truc tombe et en fait j'étais à la fin du rouleau, à la fin du tissu. C'est horrible. Ce qui fait que je me suis retrouvé sans tissu à me dire ok, qu'est-ce que je fais si je me sèche les mains, le truc est mouillé, c'est dégueulasse, les gens sont séchés les mains avec. Et donc bah qu'est-ce que j'ai fait, main mouillée, bah j'ai dû m'essuyer sur mon pantalon. Voilà. C'est chiant. De toi. Du coup ça met de l'eau sur le pantalon, du coup les gens te jugent. En plus, si c'est pas ce que tu crois, bah si mec, c'est ce que je crois. Trouble. C'est compliqué. C'est ces moments-là où on se dit pourquoi la vie me fait ça. Est-ce que j'ai mérité que la vie me crache dessus? Pourquoi moi j'étais très sympa? Exactement, on se fait piétiner par la vie. Mais pourquoi? Hier, j'ai vécu en live un moment. Voilà, c'est la même. Un truc qui n'arrive jamais, pourtant c'est arrivé hier. Un gros bras de mer là. J'ai bu un café avec Glandu. Ouais. Il est arrivé un truc de fou. Ouais, on commande notre café, donc le café arrive, on est content. Et toujours avec le café, il y a un petit chocolat. On avait chacun un petit chocolat emballé dans un papier. Et du coup, Manu ouvre le sien, le mange. Et moi, j'ouvre mon papier et il n'y avait aucun chocolat. Oh, l'emballage était vide. Ça m'était jamais arrivé. C'est pas incroyable. Il a eu le défaut de fabrication, quoi. Le seul. Ouais, le seul chocolat où il n'y a pas de chocolat dedans. Ouais. Et ça, si t'appelles le serveur, déjà, il ne croira pas et tu passes pour un glouton, quoi. Ouais, il veut un deuxième mais chocolat. Mais tu sais quoi, c'est exactement la discussion qu'on a eue après. On s'est dit, est-ce qu'on le prévient? Est-ce qu'on lui demande? Est-ce qu'on lui en demande un autre? Parce que ça n'arrive tellement jamais que forcément le mec, il va dire, mais prends-moi pour un con. Non, dégueulasse. Du coup, on a rien dit. Il n'a pas eu son chocolat. Horrible. Venez pas. Partagez un moment avec nous, un moment, la vie m'a fait un bras d'honneur. 0-870-42-48, vous pouvez nous appeler maintenant. Ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Ne soyons pas seuls devant ces moments où la vie vous fait un bras d'honneur. 6h37, on va s'écouter Kinvé. Juste après les amis, c'est les sondages du matin qui arrivent. Le faire le week-end allongerait notre espérance de vie. Vas-y, donne. Là, c'est dans 3 minutes. Les sondages du matin arrivent juste après Kinvé. Soyez les bienvenus sur NRJ, on est vendredi. Oui, c'est le week-end qui arrive, c'est Manu dans le 6-9. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise? Avec toi, prends tes valises, que l'on officialise. Toi et moi, tu réalises que rien ne rivalise? Avec toi, prends tes valises, que l'on officialise. Toi et moi, toi et moi, ça pourrait être une belle histoire. Bah ouais, quand tu auras un problème, j'accourrai. Si tu te noies, je serai d'aboué. Dis-moi ton secret pour m'avoir autant secoué. Car à toi je suis voué, je dois l'avouer. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise? Avec toi prends tes valises, que l'on officialise. Toi et moi tu réalises que rien ne rivalise. Avec toi prends tes valises, que l'on officialise. Toi et moi. Ce que je ressens depuis des mois. Allez pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne-moi. Le fait que le verbe n'est moyen lorsque je suis près de toi. Car personne ne t'arrive à la cheville. C'est avec moi que je veux faire ma vie. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi prends tes valises, que l'on officialise, toi et moi. Bienvenue sur Énergie, 6h40, on va écouter Kaigo dans 2 minutes, mais avant... Attention, voici les sondages du matin. Ouais, yes. Là, il y a du lourd, ce matin, je vous l'annonce. Cool. Ah. Il existe 195 versions de cette chanson depuis sa création. D'après vous, de quelle chanson il s'agit? La Marseillaise? C'est pas la Marseillaise. Satisfaction, les Rolling Stones? Non plus. Comme d'habitude? Non plus. C'est français ou pas? Non plus. Pardon. Alors c'est pas français, mais il y a une version française. Ah ouais. Il y en a au moins une que je connais. Happy birthday. Non plus. Est-ce que ça passe en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend en ce moment? Oui, absolument. Oula. Bella Ciao. Bella Ciao. Ah ouais. Ouais. Ah, il existe 195 versions de la chanson Le Bella Ciao de Parmigiano. Ouais. Non, je connais pas les paroles. Ouais, ça doit pas être ça. Alors sur les 195 versions, je pense qu'il y a 190 de cette année. Hein. Ouais, c'est ça. C'est super. Le faire le week-end allongerait notre espérance de vie. Ça c'est ouf. Wow. Mm. Mais c'est quoi? Faire quoi? L'amour. C'est pas l'amour glandu, désolé. Ah. Ouais. Ah non, ça va pour l'instant. Je le fais pas beaucoup, quoi. Oui. Ah, ouais. Donc, je suis rassuré que ce soit pas ça. Du coup. D'accord. Okay. C'est du sport ou pas? C'est pas du sport. Non. Des siestes. C'est pas des siestes. Jouer avec ses enfants. C'est pas jouer. Ah. Non. C'est une tâche ménagère? Non plus. C'est une activité que tu fais à plusieurs? Non. Oui, tu peux la faire à plusieurs. Seul ou à plusieurs. C'est quelque chose où on bouge beaucoup ou on est feignant? Pas du tout bouger. Ah, des massages? Non. Des mots fléchés, mots croisés? C'est un truc. Non. D'accord. Okay. On sait pas alors. Okay. Écoutez bien, vous trouverez pas. Ah, ouais. Okay. Le faire le week-end allongerait notre espérance de vie. Rien. Mais c'est la meilleure activité du week-end. Oh, ne rien faire le week-end, selon une étude, allongerait l'espérance de vie. On est immortels, les gars. C'est génial. Non, parce qu'il n'y a pas la semaine aussi. Ah, merde. Bon. Dernier sondage du matin. Après l'avoir fait, 7% des femmes se pèsent car elles pensent être plus légères après avoir fait ça. Après avoir fait quoi? Avouer un mensonge. Colon. Ah bon? Ah bah si, on se sent plus légère après. Jeu de mots. Ah non, pas du tout. Nico. Pipi. Comment? Pipi. Pipi. Non, c'est pas idiot. Bah ouais. Après avoir pris les escaliers. Non plus. Après s'être déshabillé le soir. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est quand elle rentre le ventre. Non. Après avoir séché ses cheveux. Non, mais on se rapproche. Ah. Après l'avoir fait, 7% des femmes se pèsent parce qu'elles pensent être plus légères. Être allée chez le coiffeur. Non. S'épiler. S'épiler. Ah ouais. C'est ah ouais. Énorme. Après l'avoir fait, après s'être épilé, 7% des femmes se pèsent parce qu'elles se disent qu'elles seront plus légères. Après, si tu t'es pas épilé depuis 10 ans, bah ouais. T'as peut-être perdu un peu. Quoi. Effectivement. 6h42, les sondages du matin reviennent évidemment dès lundi à la même heure. Kaigo, tout de suite pour vous. Et juste après, les amis, on partage des moments. La vie m'a fait un bras d'honneur. Ouais. Ce petit moment où c'est pas juste pour dire pourquoi la vie elle m'a fait ça. Ouais. 0870 42 48 ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 69. C'est après Kaigo. It never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves ending violence. It's tearing up my voice left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Sur Énergie, 6h46. On va écouter Vita et Claudio Capéo. Ça arrive pour vous dans 2 minutes. Et avant ça, on partage ces moments où on se dit pourquoi la vie me fait ça. Ouais. Pourquoi la vie me fait un bras d'honneur. 0870 42 48 sur Twitter avec le hashtag Malu dans le 6-9 aussi. Il y a Amandine qui dit mon cabas de course a lâché en pleine rue à 10 mètres à pied de chez moi. Ah, c'est horrible. Voilà. Ah non, pardon, à 10 minutes. Oh non, c'est encore pire. Oh merde, c'est horrible ça. Oh, la galère. Quand t'as ton sac qui craque, ah, oui. Ah, c'est horrible. Tout tombe et tu l'as tué. Ouais. Mais je suis foutu. Je vais vivre le reste de ma vie sur trottoir avec ce sac. Et t'as personne qui se trimballe en rue avec un cabas en rab. Mais non. Dire, tenez madame. Mais non. C'est foutu. T'es obligé d'appeler quelqu'un. Mais mon sac. 0870 42 48. On a Marine qui est là avec nous. Bonjour Marine. Bonjour Mani. Bonjour moi. Salut. Bienvenue sur Énergie Marine. Raconte-nous ton moment. La vie m'a fait un bras d'honneur. Alors moi j'ai lavé ma voiture au rouleau automatique et 5 minutes après il y a 3 pigeons qui ont fait popo sur ma voiture. Oh pas sympa. Oh, mais tu sais que ces pigeons sont payés par les stations de lavage. Vous le savez quand même. Mais c'est le plus gros complot qui un jour sera démantelé sur Terre. Ah. Les pigeons, certains pigeons, pas tous, je n'accuse pas tous les pigeons, je ne fais pas de généralité, certains pigeons touchent de l'argent ou des graines, je ne sais pas, pour faire popo sur les voitures qui viennent de sortir de la station de lavage et donc vont y retourner. Ah, mais alors, c'est connu, hein. Ah bon, c'est connu, il y a des études qui ont été prouvées là-dessus. Allez sur les sites internet bien informés et vous verrez. Ne croyez pas ce que la télévision vous montre. Qu'est-ce qui t'arrive ? Les pigeons sont là pour faire popo sur les voitures pour qu'on aille dépenser de l'argent dans les stations-service. Oh, la révélation. Okay. Voilà. Ça va, Élise Lucet ou... Ah ouais. T'es comment, là ? Ça va pas mal. Oh, le reportage. On avance, merci de m'avoir écouté. On t'embrasse Marine, belle journée à toi. Paulette, un moment, la vie t'a fait un bras d'honneur. Ah oui, ben moi en fait je suis passée à côté d'une porte et j'ai bloqué le passant de mon pantalon là, dans lequel on met la ceinture, oui, dans la poignée. Et ça, et c'est hyper vexant parce que t'es attaché et t'avances en même temps. Mmh. Et mon pantalon s'est déchiré et c'était un nouveau pantalon. Oh, ah, les boules. Ah, je suis trop énervée. La vie t'a fait un bras d'honneur. Ah, et puis, tu peux rien faire contre cette porte. J'en ai un pas mal. Oui. Vous voyez, évidemment, dans les TGV, quand vous allez aux toilettes, il y a la petite vasque là où on peut se laver les mains. Ouais. Faut passer les mains sous une sorte de radar pour que l'eau se déclenche. Ouais. C'est chiant. Mais avant, tu mets le savon. Ouais. Je mets le savon, je passe la main. Yep. Rien. Ah, mais non. Oh, c'est moche. Ah, ça, c'est je dur. Me suis retrouvé avec du savon plein les mains, sans eau qui coulait du truc. C'est moche. La vie m'a fait un bras d'honneur, un doigt et m'a tapé sur la tête. Ouais. Non. Julie, bonjour. Coucou Manu, coucou les Wawang. Raconte-nous un moment où la vie t'a fait un bras d'honneur. Ben moi, j'ai voulu faire un câlin à mon mec dans la salle de bain, sauf que quand je me suis assise sur le lavabo, il s'est cassé. Oh, vexant. Oh. Voilà. Ah oui, c'est pas. C'est vraiment rien de bien, là, du coup. Là. Parce que tu te dis, j'ai peut-être un peu grossi, tu te dis, le lavabo était mal fixé, tu te dis que tu dois alors le payer, et en plus, tu vas pas faire l'amour. Ouais. C'est un combo merdique. Voilà. Courage, Julie, on est avec toi. On t'embrasse. Laure, un moment où la vie t'a fait un bras d'honneur. Le week-end dernier, j'avais le mariage d'une très bonne amie, j'ai mis 1000 ans à hésiter entre deux robes, j'ai fini par me décider. Et en arrivant là-bas, il y avait une fille beaucoup mieux gaulée que moi qui avait la même robe. Donc, j'étais moche, quoi. Ouais, c'était dur. C'est compliqué. Ouais, ouais. Sur Twitter, il y a Céline qui dit: je viens de marcher dans ma salle de bain en chaussettes, pile dans l'eau. Oh, c'est énervant ça. Wendy, j'ai marché dans un popo de chien en tongs. Oh, c'est horrible. Oh non. Non, mais ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut pas sortir et pas marcher. Glandu, un moment où la vie t'a fait un bras d'honneur? Ouais, moi, avant-hier à la caisse du supermarché, il y avait trois personnes âgées devant moi. Et ces trois personnes avaient un point commun: elles ont toutes payé par chèque. Oh, voilà. Et là, tu vois la première sortir son chéquier, tu dis bon, ok. La deuxième, tu dis ça passe. Et la troisième, tu deviens fou, quoi. Tu dis payez tes cartes. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, ça fait une demi-heure que j'attends. J'achète juste des vis et elle a un cabas rempli et elle prend un chéquier de merde. Oui, voilà. Tout va bien. Ouais. 6h50. Vita et Claudio Capéo pour se calmer, les amis. On est avec vous dans 15 minutes. On double votre salaire pour la première fois de la matinée. Soyez les bienvenus, c'est Énergie. C'est Malu dans 6-9. C'est le week-end qui arrive. Comme on se couche, on se lève. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Elles veulent tirer sur nos rêves. Elles le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. Je crève. J'ai plus 30. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aiment. On est tous aimés. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Demandez-moi un peu de rêve. J'ai plus 30. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Les choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles. Que rien ne peut réparer. Dis-moi du pan, c'est lequel. Qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Je crève. J'ai plus 30. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aiment. On est tous aimés. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Demandez-moi un peu de rêve. J'ai plus 30. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Je cherche la paix. Demandez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus grand. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aiment. On est tous aimés. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Demandez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Bienvenue sur Énergie, il est 6h53. On va s'écouter Cécile Acroul dans un instant. Mais avant ça, j'ai les infos. Oui, ouais, c'est cool. Le bac en ce moment et j'ai eu une info sur le bac. Ouais. Ok. Je sais ce que deviennent les millions de copies après le bac. Ah ouais, alors c'est intéressant. Parce que oui, on peut se poser la question. C'est vrai. Bah, que deviennent ces millions de copies? Ouais. Elles sont archivées pendant un an. Ouais. Si jamais vous voulez les consulter, vous avez le droit. Ouais. Puis ensuite, elles sont détruites et recyclées en papier toilette. Ah bah sympa. C'est drôle. C'est cocasse quand même. Oh. Vu le niveau de ce que j'ai pu écrire à l'époque, honnêtement la boucle est bouclée. C'est génial. Une étude française, les amis, écoutez bien. Ouais. Selon cette étude française, écouter de la musique rendrait plus intelligent. Ah ouais. La raison, et là je cite le scientifique, écouter de la musique sculpte le cerveau par différents mécanismes physiologiques en termes de densité de neurones et de connexion entre eux via les axones. Voilà. D'accord. Okay. Voilà, j'ai rien compris. Clairement, j'ai pas écouté assez de musique. Ou alors pas la bonne. Je sais pas. Mais pourtant, on devrait être brillants, nous. On est à la radio, on en écoute tout le temps. Ouais, c'est ce qui s'appelle. L'exception qui confirme la règle. Exactement. Et ça, avec nous, ça marche surtout. Hein, voilà. Dernière info, ça ne servira à rien, mais je la donne quand même. Okay. Ouais. Le bowling, tout le monde voit ce que c'est que le bowling. Bien sûr. Eh bien, a priori, selon des recherches, il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus, ça daterait de l'ancienne Égypte. Ah ouais? Voilà. Ah bon, ils s'amusent. D'accord. Et comment on sait ça? Eh ben, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé une momie, et quand ils ont déterré la momie, ils ont vu qu'elle était en position avec les doigts comme ça bloqués, comme la boule de bowling. Non. Non, c'est pas vrai, j'en sais rien. Non, c'est drôle, on y a cru. On aurait cru n'importe quoi. C'est chiant. Mais c'est vrai qu'il y avait des bowling à l'époque. T'imagines au Louvre, la momie en position bowling, ce serait génial. 6h55, on va s'écouter Cécilia Krull, les amis. My Life is Going On, c'est le générique de la Casa des Papel. Soyez les bienvenus dans 10 minutes pile. On double votre salaire pour la première fois de la matinée. C'est Energy, c'est Manu dans 6-9. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all.

Salut Manu, bonjour à tous. Du grand bleu au programme dans le ciel ce vendredi. On reste sur la tendance des derniers jours avec du soleil à perte de vue. Même constat d'ailleurs pour ce week-end et la semaine prochaine avec de fortes chaleurs annoncées. Pour l'instant, ça reste encore plutôt frais au réveil dans la moitié nord avec 10 ou 11 degrés de moyenne. Déjà 25 en revanche à Montpellier en ce moment. Cet après-midi, il fera 18 degrés à Brest, 22 à Auxerre, comptez jusqu'à 28 pour Toulon. C'est dans la poche, les Bleus sont soulagés après leur deuxième victoire en deux matchs de Coupe du Monde hier. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à leur succès 1-0 contre le Pérou. Félicitations à Kylian Mbappé, le plus jeune buteur français de l'histoire du Mondial. Rendez-vous mardi contre le Danemark pour la première place de la poule. Un nul suffira. C'est plus compliqué en revanche pour l'Argentine de Lionel Messi au bord de l'élimination après la défaite 3-0 contre la Croatie. Dans l'actu également, on fait le point sur le trafic à la SNCF. Début d'un nouvel épisode de perturbation à cause de la grève des cheminots. 9 TGV sur 10, 3 TER et Intercité sur 5 en circulation aujourd'hui. Retour à la normale dimanche matin. Le bac maintenant, avant-dernier jour de stress ce vendredi avec un programme assez chargé pour les séries générales. Maths le matin, langue vivante l'après-midi. Langue vivante 2, tout le monde pourra respirer et profiter des vacances lundi soir après les dernières épreuves. La journée nationale du don d'organes, c'est aujourd'hui un sujet tabou effectivement, mais il faut en parler avec ses proches pour exprimer sa volonté. L'an dernier, on a dépassé une barre symbolique, celle des 6000 greffes en France pour la première fois. Des milliers de malades sont tout de même toujours sur liste d'attente. Vous retrouvez les réponses aux questions que vous vous posez sur dondorganes.fr, dondorganes.fr. Direction le Castellet maintenant, c'est dans le Var, théâtre du premier Grand Prix de F1 en France depuis 10 ans. Les meilleurs pilotes sont arrivés sur les bords de Méditerranée pour un week-end de course suivi dans le monde entier. 65 000 spectateurs attendus dimanche pour le départ et un set de David Guetta juste après le podium, ça promet. Premiers essais, premier tour de piste ce vendredi. Allez, si à tout hasard, il vous reste une petite part de pizza de votre soirée foot d'hier, gardez-la pour les Tortues Ninja. Donatello, Michelangelo, Raphaël et Leonardo seront bien de retour au ciné bientôt. En tout cas, Hollywood planche sur un reboot de leurs aventures. Le projet a été confié au producteur Michael Bay, à qui entre autres on doit les derniers Transformers. Et il n'est encore qu'au stade du développement. Aucune date de sortie n'a été fixée pour le moment. Un concert au ciné comme si vous y étiez, c'est la proposition du groupe Imagine Dragons. Ça, c'est fans français aujourd'hui. L'un des shows de la tournée Spoke plus Mirror, ça a été filmé en 4K. Le live sera donc projeté ce soir dans de nombreuses salles CGR du pays. 7h04, c'est la fin de ce flash. On est le vendredi 22 juin. Très bon réveil, très bonne matinée sur Énergie. Tout de suite, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie avant de partir en vacances. Il est avec nous ce matin sous le soleil. Très bonne journée. Comme chaque matin, soyez les bienvenus sur Énergie. On est le 22 juin, c'est vendredi. Bonjour vendredi. Bonjour vendredi. On vous rappelle que la semaine prochaine, nous serons en direct du Gros du Roi. Nous allons faire l'émission comme on le fait à chaque fin de saison. On part une semaine en vacances. Soyons clairs, soyons honnêtes, soyons précis, c'est le principe. Oui. Mais on est avec vous. Déjà, on vous a offert une semaine de vacances avec nous. Et vous allez pouvoir venir assister à l'émission tous les matins entre 6h et 9h30. On est en direct du Gros du Roi dans une énorme salle avec plus de 300 places. Yes. Ouais. Vous pourrez être plus de 300 chaque matin à venir avec nous. On va avoir plein d'invités pendant la semaine, à démarrer avec Tal lundi. Ouais. Entre 8h et 9h30, Tal sera là et elle va faire une première mondiale. Ouais. Elle va chanter. Dans une position, c'est même au-delà d'une position, dans une situation, elle va faire son dernier hit mondial, elle va le chanter en entier, si elle y arrive, dans une situation totalement improbable. Ah oui. Elle a accepté, je pense que je ne sais pas pourquoi elle a accepté. On a qu'elle se rend pas compte peut-être. Peut-être. Elle a peut-être pas peur, c'est une femme de défi. Non, là, c'est pas une question de peur, hein, c'est une question de respect pour soi-même. Ah, c'est une question de dignité, quoi. Ça va être très, très drôle. Ce sera lundi, soyez bien avec nous. Ce sera en Facebook Live, vous pourrez voir ça, évidemment, si vous pouvez pas venir. Sinon, vous vous inscrivez, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin du Gros du Roi, c'est pas loin de Nîmes, pas loin de Montpellier, pas très loin de Marseille. Mmh. Vous vous inscrivez sur manudansle69.com et il y aura plein d'événements aussi. Il va y avoir un barbecue géant. On va aussi avoir un concert privé incroyable de Dadju au milieu de la mer sur un bateau. Vous pourrez venir. C'est trop bien. Pour vous inscrire pour tout ça, Manu dans le 6-9.com. 7h06, on va écouter Nice trop dans 2 minutes, mais avant ça, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Léa habite Béziers, elle a 25 ans et elle touche chaque mois 1228 euros. Léa s'est inscrite sur Manu dans le 6-9.com, et bien elle a eu raison. C'est parti Léa, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Mais il faut que tu décroches Léa. Allô ? Ça y est, c'est fait. Allô, Léa ? Oui. Léa de Béziers ? Oui.

bienvenue sur Énergie. On va écouter le nouveau hit de The Weeknd. Ça arrive pour vous dans un instant. On a l'impression d'être dans 50 nuances degrés quand on l'écoute. Ouais, tellement. Dans 50 nuances degrés et aussi dans un appartement sans meubles. Ah oui, c'est vrai. Et il parle, il y a de l'écho, ouais, c'est incroyable. Ça se trouve, c'est un cri de détresse qu'il fait. Hein. On écoute ses chansons, mais le mec est juste en panique. Et il dit, venez me sauver, putain. Il est bloqué dans une salle de bain. The nouveau hit de The Weeknd qu'on a bien vendu, en tout cas. Ouais. Ça arrive dans 3 minutes. On va juste avant écouter le nouvel appel automatique de Georges. Mmh. Mais avant tout ça, j'ai une liste d'études sur notre physique. Mmh. Et ce que le physique dit de nous. Ah ouais. Okay. Écoutez bien, ce sont de vraies études. Mmh. Selon une première étude, plus une personne est intéressée par vous, plus elle cligne des yeux. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Quand vous draguez une personne et que cette personne cligne des yeux, ça veut dire qu'elle est intéressée. Okay. Ou qu'elle a un toc. Oui. Ah, ouais, c'est ça. Ou qu'elle a un truc dans l'œil, quoi. Ouais. C'est pas une chance sur trois, tentez-vous. Voilà. Ouais. Selon une étude, les hommes rasés réussissent mieux dans la vie. Ah bon? Oh, ok. Je nous regarde tous les trois. Ouais. Glands du Nico et moi. Ouais. Dommage. Bah, tout s'explique, hein, quand on vous voit tous les trois. Mais c'est plus sexy avec la barbe, moi, je trouve. Bah, on est plus sexy, mais on réussit moins dans la vie. Ouais. Okay. On peut pas tout avoir. Bah, c'est vrai. Selon une étude, quand une personne a envie de vous embrasser, ses lèvres gonflent. Ah ouais? Ah bon, oui. C'est dingue. Chelou, mais vous, y a une personne, si elle a envie de vous embrasser, a priori, les lèvres vont gonfler. Et on le voit à l'œil nu ou c'est faut prendre un petit double décimètre pour mesurer? Tu mesures, oui, ça se fait, hein, ça bien sûr. T'arrives, tu mesures les lèvres de la personne. Ah oui, voilà, c'est gênant. Alors, je te les mesure maintenant et je te les remesurerai dans 5 minutes pour voir si t'as envie de m'embrasser. Ça ne marchera pas. Selon une autre étude, la taille des mains et des doigts n'a aucun rapport avec la taille du zizi. Ah, voilà. Enfin, c'était une légende alors. Exactement. Oh. Aucun rapport. Ils ont fait des études sur des gens. Ils se sont aperçus qu'en fait, il n'y a aucun rapport statistique ni probable entre la taille des mains et la taille du zizi. Bah, d'après une étude de mes copines et moi, on n'est pas trop d'accord. Hein. Mais non. Ah, ouais. Je te promets. Mais là, tu me rassures. Mais non, tu me rassures parce qu'à chaque fois qu'on sort cette étude, moi, j'ai pas les très grands doigts et ça me complexe. Alors que pourtant tout va bien. Ouais. Quoi. Et moi, j'ai les grands pieds. Ça fait rêver. On a le même problème. Selon une dernière étude, si quelqu'un incline la tête quand vous parlez, c'est qu'il est intéressé par vous. Ah ouais, voilà. Alors ça, je l'ai vérifié plusieurs fois. Et c'est vrai. S'il l'incline un peu trop, c'est qu'il dort aussi. C'est... Ouais. S'il l'incline à droite, puis à gauche, puis devant, puis derrière, c'est qu'il est bourré. Non. 7h14, on vient tout de suite sur Énergie dans 3 minutes avec l'appel automatique de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Et attention, ce matin, Georges appelle un restaurant. Hmm, pour lui dire que c'est pas bon. Ah, aïe. C'est pas gentil. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Demain c'est samedi et moi je reste au lit. Yes. Sur Énergie. Salut, c'est Passepartout. Manu est déjà venu deux fois à Fort Boyard. À chaque fois, il courait juste derrière moi. J'ai l'impression qu'il en veut à mes fesses. C'est gênant, Manu. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Alors, c'est vrai que j'ai fait deux fois Fort Boyard et que je courais derrière Passepartout. Ah, la chance. Mais le truc, ce qui est drôle, vous savez, quand on voit les gens courir dans Fort Boyard, en fait, tu fais des tours sur toi-même. Mais non. Mais oui, parce que c'est pas immense, le truc. Et des fois, tu sors d'une salle et en fait, la salle, la prochaine après, elle est à côté. Donc, tu fais le tour du fort, tu montes l'escalier, tu les descends, tu les montes, machin. Oh non. Pendant deux minutes, t'es derrière Passepartout comme ça à courir pour en revenir au point, quoi. Oh, dur. Ah, c'est décevant. Ah, bah, c'est fatigant surtout. Ouais. Demain, c'est la reprise de Fort Boyard, les amis, sans les cylindres. Ah oui, c'est vrai. Je me sens tellement orphelin. 7h18, voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose dont tout le monde parle maintenant. Mais nous, nous en avons une vraie, pas la meilleure. Mais nous ne sommes pas les meilleurs non plus. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Elle s'appelle Georges, elle est avec nous. Et aujourd'hui, Georges appelle un restaurant. Pourquoi ? Pour lui dire que des gens ont trouvé sa nourriture burk. C'est pas très gentil. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Un client de votre restaurant a pensé que vous devriez le savoir. Votre cuisine est mauvaise. Ah, d'accord. Vos plats laissent à désirer. Nos plats laissent à désirer, d'accord. Et vous êtes qui, madame ? Que dirait Philippe Etchebest s'il vous voyait ? S'il voyait ça, bah, je pense qu'à mon avis, je suis pas trop mal réussi ma vie, quand même. Voici ce que pensent les gens de votre cuisine, burk. Burk. Elle est burk. D'accord. Sinon, vous avez autre chose à me dire ou pas ? La taille du hamburger laisse à désirer. D'accord. Est-ce que la taille du ça compte là-dedans ? Oh là là. Bah, j'espère surtout qu'il ne la donne pas à ses clients. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. L'appel automatique de Georges, c'est tous les matins et vous pouvez les retrouver en podcast manudansle69.com et sur l'application manudansle69. On va s'écouter le nouveau hit de ce week-end et juste après, on va retrouver Baptiste et Marie-Lou qu'on suit depuis le début de la semaine qui passent leur bac cette année. Comment ça s'est passé hier? Comment ça va se passer aujourd'hui? Hier, c'était l'anglais? Non, c'était quoi hier? Histoire. Je ne sais plus. Baptiste, Marie-Lou, vous avez fait quoi hier? C'était littérature. Moi j'ai fait foot hier. Hein. Bon, vous allez nous raconter comment ça s'est passé dans deux minutes, juste après ce week-end sur Énergie. Soyez les bienvenus. C'est vendredi, c'est le week-end qui arrive. Et on est avec vous comme chaque matin pour démarrer cette journée. Bon réveil. We found each other. I helped you out of a broken place. You gave me comfort. So proud and openly. avec vous comme chaque matin sur Énergie. Soyez les bienvenus. On va écouter le dernier Ariana Grande dans 2 minutes. Et avant ça, nous allons retrouver comme chaque matin de cette semaine Marie-Lou et Baptiste. Vous êtes toujours en vie les deux? Oui, ouais, toujours. Ah, et ben déjà, ça nous rassure. Ouais. Marie-Lou et Baptiste, on vous suit depuis lundi. Vous nous avez appelés parce que vous passez le bac cette année. Alors, on a d'un côté Marie-Lou qui est totalement stressée et Baptiste qui est totalement à la cool. Ouais. Écoutez, on fera les comptes au mois de juillet. C'est quand le jour des résultats? Le 6 juillet. Le 6 juillet. Bon, nous, on sera plus à l'antenne, mais on mettra sur notre page Facebook vos résultats. Ouais. Attention. Ça marche. On vous suit depuis le début. Marie-Lou, tu es en ES. Ouais. Oula, tu vas pas l'air. On peut plus. Hier, qu'est-ce que t'avais comme hier, comme j'avais SES. Donc l'écho, donc c'est le plus important. L'écho. Ouais. C'est mon deuxième coef le plus important. Ouais. Oula. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé normalement. Ah, le normalement. Normalement. Oui, on est jamais sûr. Tu me fais penser à un pote, moi, qui dit toujours dans ses phrases a priori. Tout le temps. Ok, on se donne rendez-vous à 14h. Ouais, j'y serai a priori. Oui. Toi, pareil, j'ai réussi, ouais, normalement. Ouais. Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que tu commences un peu à déstresser? Non, parce que là, j'ai encore la maths et l'espagnol. Et ouais. Mathématiques et espagnol. Grosse journée. C'est chaud. Ah, et maths, c'est le deuxième coef aussi, non? Important. C'est ça, les maths coef 7. Oh là là là. Oh là là, ouais. Et j'ai tourné autour de 4 de moyenne toute l'année en maths. Oh. Ah bah ça promet, c'est bien. Mais tu sais, il y a des cas où les gens avaient pendant l'année des 2, des 3, des 4. Ouais. Et au bac, ils ont des 2, des 3, des 4. Non, non, mais il y a des cas aussi où ils se révèlent. Non, tu te révèles pas d'un coup en maths. Non, il faut être honnête. Tu te révèles pas d'un coup génie des mathématiques. Non, malheureusement, non. Mais tu peux limiter les dégâts, Marie-Lou, et espérer qu'ils donnent des points pour une jolie présentation. Par exemple, tu vois, tu fais joli. Ça compte un petit peu quand même. Ouais. Ok, tu fais une démonstration bidon, mais joliment mise sur les lignes. Ouais. C'est déjà ça. Il faut toujours écrire le raisonnement. Même si t'arrives à un résultat faux, faut écrire le raisonnement. Oui. Exactement. Que t'as essayé, quoi. Voilà, exactement. Même si le raisonnement est merdique. Comme le disait Pythagore. Non, mais là, c'est pas de la géométrie. Et ensuite, t'as espagnol en langue vivante 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, t'es comment? Là, je suis bien. C'est ma meilleure matière, ma moins bonne matière le matin et ma meilleure matière l'après-midi. Ah, ah bah écoute. Bon. Ah ouais. Bah, allez. Et donne tout en espagnol. Bah c'est quoi? Moi, je serais toi, je ferais ta copine maths en espagnol. Je vais essayer, ouais. Baptiste, lui, il est en L. Hier, qu'est-ce que t'as passé, Baptiste? Hier, j'ai passé littérature. Alors, comment ça s'est passé la littérature? Bah, ça s'est mieux passé que prévu, donc je suis content. Tout va bien. T'as dû faire quoi? T'as dû parler d'un texte? Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était d'un livre, donc Les Faux Monnayeurs, mais voilà. C'était compliqué. Ouais. Mais tu l'avais lu? Pas totalement. Ah, c'est ballon. J'avais lu ça. C'est qu'il y a une question sur la fin. Ah merde. Ah, mince. T'aurais dû lire la fin, quoi. Faites comme moi, lisez toujours la dernière page des livres. Ouais. Comme ça, si vous êtes interrogé et que vous devez repasser le bac surprise. vous avez la fin. Mais ça s'est pas si mal passé que ça, c'est ça? Ouais, ça a été. Ok, aujourd'hui tu passes quoi? Aujourd'hui j'ai juste espagnol, moi. Oh, très bien. Et t'es comment en espagnol? Espagnol, je suis muy bien. il est énorme. Oh la détente. Le mec est cool. Allez, au talent. Je suis muy bien. Allez, dans 2 minutes, il te sort mojito. Et après, il fait ravioli. Et non. Baptiste, Marie-Lou, on vous souhaite bonne chance encore pour le bac aujourd'hui. Ça se finit quand les épreuves? C'est aujourd'hui, donc après l'espagnol, c'est terminé. C'est ça. Ok, donnez tout, on compte sur vous. Si vous avez votre bac cette année, vous aurez le kit de l'été Manu dans le 6-9. Apparemment, vous en foutez. Merci Manu. Ah, je vous l'avais filé déjà lundi? Ouais, déjà. Oui. Ah merde. Ah, bah forcément, du coup. Ouais. Ok, je monte les enchères. Vous avez votre bac, je m'engage à vous offrir la console de jeux vidéo de votre choix. Oh, ok, ça marche. Ah ouais. Ça c'est motivant. Non, on dit ça. Pas ça marche, on dit merci, putain. Ce qui est génial, c'est que tu leur dis ça le dernier jour des épreuves. Ouais. Donc la stimulation arrive très tard dans la semaine, du coup. Mais attendez, vous savez, le bac, on ne le passe pas pour les cadeaux, on le passe pour soi, pour réussir, pour le futur, pour sa carrière. Et tu sais, moi, je m'en fous, j'ai eu mon bac. C'est pour toi, je travaille pour toi. Putain, j'ai l'impression d'être prof. Marie-Lou et Baptiste, on vous souhaite bonne chance, on se tient au courant, vous nous tenez au courant de vos résultats et on publiera vos résultats sur Facebook. La France entière saura si vous l'avez. La pression. C'est hyper dur ce que tu leur dis. Si vous l'avez pas, on dira autre chose, on trouvera autre chose, on dira oh, ils sont jolis sur la plage. Voilà. On vous embrasse tous les deux. Merci d'avoir été merci avec beaucoup. Nous cette semaine. Salut, merci. 7h28, on revient tout de suite sur Énergie avec Ariana Grande. A tout de suite. Bienvenue sur Énergie. Coucou les Wawa. Salut les Wawa.

Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100 euros, engagement 24 mois et conservation du numéro. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h33, oui, nous sommes légèrement en retard. On va écouter Ariana Grande juste après. On joue au jeu des 5 mots, on vous offre la console de jeu de votre choix et l'écran télé qui va avec. 0870 42 48, vous nous appelez. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Le bleu à l'honneur aujourd'hui dans le ciel, ça tombe bien. L'été s'est installé sur la France, grand soleil donc au menu ce vendredi pour tout le week-end également. Aucun nuage à l'horizon, ou presque. Encore de la fraîcheur relative en ce moment sur la moitié nord, mais cet après-midi il fera déjà beaucoup plus chaud. 22 degrés à Rennes et à Dijon au meilleur de la journée, 25 à Albi, 28 à Fréjus. Les fortes chaleurs, ce sera pour la semaine prochaine. Pour le spectacle, c'est vrai, il faudra repasser. En tout cas, les Bleus ont assuré l'essentiel hier. Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de foot. Victoire 1-0 contre le Pérou, la deuxième en deux matchs de poule. Kylian Mbappé est devenu le plus jeune buteur français de l'histoire du Mondial. Prochaine rencontre mardi face au Danemark pour la première place du groupe. Un nul suffira. Au menu ce vendredi, notamment Brésil-Costa Rica avec Neymar sur le terrain à partir de 14h. Les conditions de trafic à la SNCF, les cheminots sont en grève mais les répercussions restent assez limitées. 9 TGV sur 10, 3 TER et Intercité sur 5 en circulation. Ça continuera demain également. Le bac encore et toujours, avant-dernière journée d'épreuve pour les 750 000 élèves de terminale mobilisés depuis lundi. On a un programme assez lourd aujourd'hui pour boucler la semaine avec des maths le matin et des langues vivantes 2 l'après-midi pour les séries générales. Les corrigés sont dispo comme d'habitude toute la journée sur energie.fr. À Brest, on a déjà pris un arrêté pour limiter les débordements et les beuveries de fin d'examen. Interdiction par exemple de détenir, de transporter de l'alcool ce week-end sur une plage et plusieurs parkings de la ville. Un petit mot de sport encore avec le tennis et le suspense qui devrait prendre fin demain. On saura si oui ou non Amélie Mauresmo prendra la tête de l'équipe de France en tant que capitaine de Coupe Davis la saison prochaine. La billetterie en tout cas est ouverte pour la demi-finale contre l'Espagne de Rafael Nadal. Ce sera en septembre à Lille. Un set entre deux loopings. César et Dorian d'Offenbach s'offrent une scène exceptionnelle. Demain, ils seront au platine, au Energy Music Tour à Disneyland Paris. Un spot mythique pour poser donc leur platine. Ah bah nous, on adore. On a toujours voulu rencontrer Mickey. Il paraît qu'il est super cool. Très dur en affaires, mais super cool. Et du coup, bah, j'ai hâte de le rencontrer et discuter avec lui. Oui, bah moi, j'adore les parcs d'attractions. Rock'n'Roll Coaster avec Aerosmith, parce qu'on adore Aerosmith et que Rock'n'Roll. Il y en a un que j'ai particulièrement aimé, c'est le Six Flags de Los Angeles. Et Disney, non, j'adore Disney. Je suis allé au moins 60 fois à Disney, que j'adore. 60 fois, c'est plutôt pas mal. Interview Ciné Morgan Derrien. L'attraction du jour, c'est bien sûr le concert et son affiche avec Kenji, Dadju ou encore Amir. Demain, au Energy Music Tour de Disneyland Paris. Vendredi 22 juin, c'est la fin de ce flash. Il est 7h36 et effectivement, on est très en retard. J'ai du mal à m'y retrouver. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Energy. Bonne journée, bonne fin de semaine. Bravo à Jean-Philippe, il a 30 ans, il habite Casillac dans le Lot et c'est lui qui a gagné notre pronostic Manu dans le 6-9 pour le match d'hier. Wow. Bravo! À chaque fois que la France joue, on met sur notre page Facebook un pronostic. En commentaire, vous mettez le résultat que vous pensez et parmi les bonnes réponses, on tire un gagnant au sort ou une gagnante et c'est yes. Jean-Philippe. Prochain pronostic Manu dans le 6-9 pour gagner une PlayStation 4 Pro, ce sera le prochain match des Bleus. Mardi. Merci Nico. Excuse-moi, il y en a qui travaillent, d'autres qui connaissent le calendrier de la Coupe du Monde. Chacun son truc. On va s'écouter Ariana Grande tout de suite. Juste après, on va jouer au jeu des 5 mots, le meilleur jeu radio du monde. Là encore un beau cadeau, la console de jeu de votre choix, plus l'écran télé qui va avec. Avant ça, quelques infos. Oui. Yes. Une info que je trouve géniale. Oui. Ouais. Hier, il y a eu le concours international de vins et spiritueux. Ils ont élu le meilleur champagne du monde. Alors, comment ils élisent? Ben, ils goûtent des champagnes. Les gens ne savent pas d'où ça vient. Ils savent pas ce que c'est. Ils goûtent et ils élisent le meilleur. Le meilleur champagne du monde est le champagne Veuve Monsigny. C'est un champagne qu'on ne trouve uniquement que chez Aldi. Mais non. Aldi, les supermarchés Aldi. Sérieux? Il coûte 12,50€. C'est génial. Élu meilleur champagne du monde. Oh, c'est énorme. C'est un bras d'honneur à toutes les grandes maisons de champagne. Quoi. Ah ben bah là oui, c'est même c'est tout pour nous. C'est au-delà des bras d'honneur, là c'est des corps d'honneur. Ah, c'est cool. Voilà, 12,50€ les amis. C'est-à-dire qu'on va tous pouvoir frimer en disant on a le meilleur champagne du monde, tout en continuant à être radin. C'est génial. C'est win-win pour tout le monde. Autre info, info Coupe du Monde. Est-ce que vous vous souvenez du doigt d'honneur de Robbie Williams à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde? Oui. Robbie Williams avait chanté et à un moment, on ne sait pas pourquoi, en pleine chanson, il fait rapidement un doigt d'honneur à la caméra. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait? Il a pété les plombs. Et là, il a donné l'explication. Je cite Robbie Williams. Je n'avais plus qu'une minute pour chanter. Alors, j'ai montré qu'il me restait une minute à la caméra avec mon doigt. Mais non, on va le gober. Voilà. C'est comme quand quelqu'un te colle trop près en voiture et que tu lui fais un doigt d'honneur. En fait, c'est juste pour lui dire de reculer d'un mètre. Merci, Robbie. Allez, 7h40, dans 3 minutes, on joue au jeu des 5 mots, le meilleur jeu radio du monde. La PS4 Pro et les... la console de jeu de votre choix. Vous choisissez la console de jeu de votre choix et l'écran télé qui va avec, c'est dans 3 minutes. 0 870 42 48 après Ariana Grande. Bienvenue sur Énergie, 7h42. Attention les amis, nous allons jouer au meilleur jeu radio du monde. Ah ouais. Avant de s'écouter Eva Guess, nous avons avec nous Ludo. Bonjour Ludo. Salut Manu, salut toute l'équipe. Salut. Hello. Bienvenue sur Énergie Ludo. Attention, nous allons jouer au jeu des 5 mots ensemble. Quelle est la console de jeux vidéo de tes rêves? Celle que tu rêves d'avoir? La Nintendo Switch. T'aurais pu me dire le Game Boy, je me serais merdé. La Nintendo Switch, Ludo, elle est pour toi, avec l'écran télé qui va avec. Si tu gagnes au jeu des 5 mots, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis plus que prêt, Manu. Attention, les règles sont simples. Quelqu'un va sortir du studio maintenant, et ce quelqu'un, c'est Laure. Ah, pour mon plus grand plaisir. Attention, Ludo, les règles, je te les rappelle. Laure sort du studio, on attend qu'elle soit dehors. Voilà, elle est dans le couloir, elle n'entend plus ce qui se passe. Je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Laure. Je fais exactement pareil avec elle. Et dès que vous avez un mot en commun, eh ben c'est gagné. Attention. C'est bon. C'est parti Ludo, on joue au jeu des 5 mots. Discuter. Parler. Contraction. Musculaire. Bleu. Cou. Planche. Pain. Planche. Pain. Ouais. Ah, bien vu. Ben oui. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. T'es meilleur que nous. Et en plus, on a les mots devant nous. Programme. Télévision. Ah ouais. On est bien là. Ah, le pro. Alors ouais. Là, Ludo, ça sent le mec qui a créé un club de jeu des 5 mots. Hein. Ouais. Là, c'est. Non, mais là, on le voit. C'est des années d'expérience, c'est des soirées. Alors que les autres partent tranquillement en disant eh viens, on va en boîte. Ludo, il fait non. Non, non, il reste. Je travaille mon jeu des 5 mots. Alors on est bien. Mais, champion. Allez, Ludo. Allez, attention, Laure est de retour. J'ai confiance en toi, alors. Il suffit d'avoir une réponse en commun pour gagner. C'est parti. Discuter. Café. Il avait dit parler. Oui, aussi. Ouais. Quatre mots. Contraction. Grossesse. Aïe. Non. Bébé. Il avait dit musculaire. Contraction. Ah oui, musculaire. On n'est pas dans le même univers. Il reste trois mots. Okay. Bleu. Foot. Il avait dit coup. Un coup et on a un bleu. Ouais. Ah ouais, mais c'est la Coupe du Monde, quoi. Allez, collectif. Non, mais je sais pas, bleu, la Coupe du Monde. Oh, la meuf bourrée, mais c'est gagné. Je suis dépité. Il reste deux mots. Allez. Tout est possible. Ouais. Planche. Surf. Oh. Ah là là. Bah quoi ? Ludo avait dit pain. Pain ? Ouais, planche à pain. Ah ouais, il y a du pain sur la planche. Ah ouais, je suis à des années-lumière là. Ouais, du pain sur la planche. Oh là là, Nintendo Switch. J'y crois. Ah, il reste un mot. Allez. Programme. Télé. Allez. C'est quoi TV. Ludo avait dit télévision. Ouais, ça va, c'est bon. Mais on va accepter télé. Je t'en supplie. Ludo, bravo, c'est gagné. Tu voulais une Nintendo Switch. Elle arrive pour toi avec l'écran télé ou télévision. C'est de la bombe. Qui va avec. Bravo à toi, Ludo. On te souhaite une belle journée, Ludo. Bonne journée, salut. Ciao, 7h46 sur Énergie. On va s'écouter Eva Guess. Et juste après, on va lire les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et on va écouter les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico qui s'en occupe. On a reçu un message de Sasayo qui n'a pas été très sympa avec un enfant. Oh. Mais on ne pourra pas le juger parce que Manu, toi, tu fais pareil. Ah. Donc on va te juger. Merde. Voilà, tu l'as mérité. Bon, dans 3 minutes, c'est ma fête. Après, Eva Guess sur Énergie. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Peut-être que sans moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à vous. C'est peut-être mieux ainsi. Le sentiment danse la macarena. Donc je me dis que c'était avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là, mon cœur danse la macarena. La la la la la la la la. Oh là là, mon cœur danse la macarena. La tête dans le sable, quand j'essaie de m'élever, j'entends le daron me dire ouais t'as ça dans les veines mon petit. Je le vois quand tu montes sur la scène. Et pendant tout ce temps là, mes lunettes cachent mes cernes. Après dire j'observe puis toujours. J'apprends quand tu doutes. J'entends mais je fais le sourd. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, pourra bombarder. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. 7h40 7h38, on est avec vous comme chaque jour. On démarre cette journée ensemble et on va écouter le nouveau Pink dans un instant. Yes. Que j'adore. Ah ouais, il est bien. Avant ça, les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, Nico les lit tous. Les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9, Nico les écoute tous. Ouais. Et le matin, eh ben, il les partage avec nous. Hier, on a avoué les petites choses qu'on fait en se demandant si ça fait de nous des mauvaises personnes. Voilà. Pas mal de trucs. Et ça a continué sur Facebook. D'accord. Ouais, voilà. Il y a Olivier qui nous dit sur Facebook, quand on me demande si j'ai un chewing-gum, je dis « Pardon, c'était mon dernier », alors qu'il m'en reste plein. Oh. Mais oui, parce que quand tu les sors, t'es obligé d'en donner à tout le monde après. Oui, mais alors, ça fait pas de toi une mauvaise personne si tu le fais de temps en temps. Si systématiquement tu le fais, ouais, c'est pas gentil. Mais après, quand on est à plus, tu sais, quand il t'en reste plus, t'en veux terriblement à cette personne qui t'en avait demandé. Hein. Donc en fait, c'est juste pour ne pas lui en vouloir plus tard. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un bon sentiment. Ou alors, c'est juste parce que t'es vraiment un gros renard. Ouais, c'est peut-être ça. Il ouais, okay. Y a Zoé qui fait un truc féro, elle dit quand une caisse se libère au supermarché, je cours. Bah oui. Mais, alors, il y a ce truc, quand t'es dans la queue et qu'il y a une caisse qui se libère, j'ose pas courir pour me précipiter, ça fait le mec genre il va écraser tout le monde. Ouais. Donc j'y vais mais doucement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, aucune pitié. Ah bah moi j'ai aucune pitié, j'y vais à fond. Ah bah voilà, bah c'est là. Ouais. Voilà. Il y a Isa aussi qui se demande si c'est une mauvaise personne ou pas. Elle dit quand je perds à un jeu, j'envoie tout valdinguer. Ah non, tu n'étais pas une mauvaise personne, je fais depuis que j'ai 12 ans aux échecs. Pardon, c'est moi qui ai dit ça. Ouais, ouais, ouais. J'avais même donné un nom à ça, j'avais appelé ça la défense hongroise, je crois. Ouais. Pourquoi? Bah quand je perdais vraiment aux échecs. Et je disais à l'autre, je vais te faire un truc, tu vas voir. Tu connais la défense hongroise? Mais non, et ben c'est ça. J'envoyais tout balader. Quel mauvais joueur. Ouais. Moi je fais plus rusé, j'ai déjà renversé mon café sur un plateau de Monopoly pour faire arrêter la partie. C'est pas plus rusé, tu dois racheter le Monopoly après. C'est ça, ouais. Ouais, mais du coup, tu vois, ça montre pas que je suis énervé quoi. Je fais oups. Ouais. Désolé. Bon, voilà. quand tu niques 3 Monopoly à la personne, il y a un moment, elle va te dire oups dans ta gueule. Hein. Nico? Ouais, sur ce même sujet, on a reçu un message vocal via notre application Malian 69 de Sasayo. Mais alors là, ça va un peu trop loin. Salut Manu, moi je suis capable de faire un croche-patte à un enfant qui passe en courant devant moi. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Alors Sasayo, je vais être très clair avec toi. Ouais. S'il y a un enfant qui passe, qui n'a rien fait, comme ça, et toi, pour le plaisir, tu fais un croche-patte, tu es une mauvaise personne. Ouais, c'est chaud. Maintenant, je sais pourquoi t'as mis ce message, Nico. Ouais. C'est pour moi, pour m'accuser moi. Mais oui. C'est vrai qu'un jour j'ai fait un croche-patte à un enfant. Ouais. Mais c'était sur un terrain de foot. Ah, y a pas de mais. On était mené. Ouais. On était mené. J'étais le dernier défenseur. Il allait marquer le but, on allait être humilié. Ouais. Aucune excuse. J'ai été obligé de faire cette petite faute. Pas du tout. Mais ils le font hier, vous avez vu le match? Ils le font tout le temps. Mais ça marche pas, c'est encore pire que tu donnes une excuse comme ça, c'est encore plus gamin. Ouais. Mais ça fait partie du jeu. On est dans le sport, hop, je mets la main, il tombe. Bon, mais c'est un enfant. Mais il s'est pas fait mal. Ouais. Ah bon, qu'est-ce que t'en sais? Bah, qu'est-ce que t'en sais? J'étais sur le terrain. Oui. J'ai bien vu. Peut-être qu'il a eu mal après. Mais non, il a pas eu mal, il était bien. Il a souffert, il a une grande atroce souffrance. C'est pas du tout. Peut-être que maintenant il a peur d'aller au foot par contre. Ouais. C'est sûr. Ce pauvre enfant. Et je ne sais pas, peut-être. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. L'important c'est de participer, c'est des conneries. Hein. On veut gagner quoi. Les gars. Mais entre sportifs, on se comprend, les compétiteurs quoi. On a envie de gagner. On le fait tous, le petit tacle comme ça. Voilà. Voilà. Non, pas des enfants. Un enfant. Non, mais il a pas eu mal. Vraiment, il a pas eu mal. Il n'a pas souffert. Bon. Oui. Non, non, vraiment, il est tombé, voilà, putain, il a eu son coup franc, c'était réglé, ils ont pas marqué, on a gagné le match, oh ouais. Okay, ça reste quand même le plus important. Okay. En plus, c'était sur un terrain, c'était à la campagne, il y avait eu 35 cm de blé sur le terrain, c'était n'importe quoi. Ouais, et dans le feu de l'action, t'as pas vu que c'était un enfant en plus. Si, si, on était une bande de potes, on jouait contre les enfants du coin. Donc, okay, bon. On les voyait, hein, qu'ils étaient trois têtes de moins que nous. Ouais, okay. Sinon, ils l'auraient pas fait, hein, un adulte. Hein. Non, ça, je le fais pas un adulte. Non, je passe un autre message vocal. Comme tu veux, okay. Ouais, alors, s'il vous plaît. Alors là, c'est vraiment comme tu veux. Moi, je peux discuter de ce sujet pendant deux. Mais non. Il y a Babas là qui passe le bac, mais alors attention, c'est très spécial. Manu, salut les ouin-ouin. Bon, bah, moi aussi, j'ai passé mon bac ce week-end. Hein, barbecue, apéro, cuite. J'arrête comme ça tout l'été. Nickel. Oh non. Ah oui. Il passe son bac barbecue, apéro, cuite. C'est un choix, hein. Oh la vache. On aurait une bonne note, hein. Bah, le résultat du bac, il va l'avoir aussi à la fin de l'étude. Ça va être gros ventre. Mention très très gros ventre. C'est ça. Très bien. Un petit dernier. Ouais, on termine avec un message de Kazam pour Laure. Parce qu'il faut tirer quelque chose de clair quand même. Hein, salut Manu, salut les moyens. Alors, un petit message pour Laure. J'aurais une question à poser. Mercredi, t'as dit que ton super pouvoir c'était de faire des rêves prémonitoires. Mais si j'ai bon souvenir, tu as dit plusieurs fois que tu avais rêvé que tu faisais l'amour avec Manu et que c'était super. Donc je voulais savoir, est-ce que c'était un rêve prémonitoire ou pas? Voilà, bisous les ouin-ouin, au revoir. À ma connaissance, non. Ben non, je fais aussi des cauchemars. Et je vais te dire, ça ne pouvait pas être un rêve prémonitoire, puisque dans ton rêve prémonitoire, c'était bien. Je savais que ça n'allait jamais se réaliser. 7h53, Pink sur Énergie tout de suite. Et à 8h05, on double votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. Running like a dog, fighting like a bitch too much. And you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits. Cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge. Cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. It's me. On revient tout de suite sur Énergie. On va écouter Calvin Harris. Il y aura le dernier Maître Gims. Si on double votre salaire dans moins de 10 minutes, c'est à 8h05. Coucou les wouah wouah. Manu dans le 6-9. Weekend. Ouais. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. C'est moi. Bah, t'as changé la table? Non. Et le buffet? Non plus. J'ai appris à relooker nos meubles chez Ikea. Waouh! Mais qu'est-ce que t'as fait de l'armoire de ma mère? Ah là, j'ai rien pu faire. Mais elle fera une très jolie table basse. Vous aussi, offrez une nouvelle vie à vos meubles. Ce samedi 23 juin chez Ikea, vivez une journée exceptionnelle autour du développement durable. Profitez des conseils de nos experts au cours d'ateliers gratuits pour réduire notre impact sur l'environnement. Ikea. Liste des magasins participants sur Ikea.fr. Montez le son de votre radio, montez, montez! Il y a un nouveau prix inratable chez U. C'est au rayon boucherie. Le rôti de veau 2 étoiles à mijoter Origine France est à 7,79€ le kilo seulement. Répétez ça. 7,79€ le kilo de délicieux rôti de veau à mijoter. Oh, manquerait plus que ça que vous le ratiez, ce prix inratable. Oh bah alors là... C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasinu.com. U. Commerçant autrement. Allez, j'y vais Louise. J'ai adoré ta déco. Cette horloge, cette lampe. C'est Atmosfera, c'est ça? Oui, mais tu pars avec ma chaise, là. Ah oui, oups. Avec Atmosfera, créateur d'intérieur, libérez votre pouvoir déco.

La journée nationale du don d'organes ce vendredi, un sujet toujours un petit peu tabou forcément. Pourtant, il faut en parler avec les proches pour exprimer sa volonté en cas de coup dur. L'an dernier, on a dépassé la barre des 6000 greffes en France pour la première fois. Des milliers de malades sont sur la liste d'attente. Vous retrouvez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur dondorganes.fr, dondorganes.fr. Une première depuis 10 ans, la France accueille de nouveau un Grand Prix de Formule 1 ce week-end. Premiers essais, premier tour de piste au Castellet dans le Var aujourd'hui, en attendant la course dimanche après-midi. 65 000 spectateurs venus de tout le pays, mais aussi du monde entier, pour voir les meilleurs pilotes de la planète sur les bords de Méditerranée. David Guetta fera le déplacement aussi pour clôturer le spectacle juste après le podium. Autre événement hyper populaire dans un style différent, le Hellfest a lieu ce week-end dans Loire-Atlantique. 13e édition du festival dédié au métal, c'est le plus gros en France. 150 groupes attendus, dont Iron Maiden, mais aussi Johnny Depp. Il jouera ce soir avec son trio, les Hollywood Vampires. Les 55 000 billets ont été vendus avant même l'annonce de la programmation. Et puis, il n'y a pas que les supporters de foot qui aiment la pizza, les Tortues Ninja aussi. Les studios hollywoodiens planchent sur un nouveau reboot de leurs aventures au cinéma. Michael Bay a été choisi pour conduire le projet, en lui donnant entre autres des films comme Armageddon ou encore la saga Transformers. Pas encore de date de sortie, en revanche, pour l'instant, on vous en parlera bientôt. 8h04, c'est la fin de ce flash. Vendredi 22 juin, c'est la fin de semaine. Vous retrouvez Manu dans le 6-9 sur Énergie pour bien commencer la journée sous le soleil pour tout le monde. C'est nous, on est vendredi, c'est le 22 juin les amis, c'est l'été depuis hier, il fait partout beau en France, la France a gagné hier, on a des belles journées en ce moment. Ah ouais, c'est cool. Il faut en profiter. On va écouter Calvin Harris dans un instant et tout de suite, vite, c'est parti, on double votre salaire, il est déjà 8h05. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Dans quelques secondes, nous allons appeler Julien. Il habite Langon ou Langon ou Langon. Langon. Langon. Oui, je connais assez bien. Ok, bah super. Julien de Langon. Tu okay. connais Julien peut-être aussi ou... Non, je connais pas Julien, mais un de mes premiers amoureux habitait à Langon. Oh hey. C'est incroyable, c'est en Gironde, on en apprend un peu plus sur Paulette. Ouais. On peut refermer cette parenthèse. Oui, refermons-la. Mais si on avait pu ne pas l'ouvrir, ça aurait été mieux. Julien touche chaque mois 1 263 €. Julien, on t'appelle pour te doubler ton salaire. Mais avant ça, je vous rappelle que mercredi prochain, le 27 juin, à l'occasion de la sortie de Mission Impossible Fallout qui sort le 1er août, nous allons multiplier votre salaire par 10. Wow. Le salaire impossible. Ah ouais. Ça va se passer mercredi, le 27 juin. Pour être tiré au sort, c'est simple. Vous faites comme d'habitude. Il suffit de vous inscrire. Énergie.fr, manudansle69.com ou sur l'application manudansle69. Vous vous inscrivez. Il n'y a pas d'inscription spéciale. C'est comme d'habitude. Et si vous êtes tiré au sort pour qu'on vous double votre salaire le mercredi 27 juin, on vous appellera et on le multipliera par 10. Wow. Génial, c'est dingue. Vous pouvez vous inscrire. Attention, c'est parti. On appelle Julien de Langon. Très beau village, très belle ville dans laquelle Paulette a eu son premier amour. Mais ça, nous en parlerons jamais. Alors, ça a décroché. Allô ? Oui ? C'est Julien de Langon ? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Julien de Langon, je t'appelle pour te doubler ton salaire. Eh ben c'est génial. Eh ben oui. Un bon vendredi qui commence, un bon week-end. Il est pas mal le week-end, 1 263 €, c'est ce que tu touches chaque mois. On va le doubler, ça va faire 2 526 € pour toi, Julien. Eh ben c'est énorme. Alors j'ai ton métier devant les yeux. Oui. Escroc. Hein non. Quoi ? Oh là là. C'est ça, non, Julien ? Non, serrurier, c'est pas pareil. Oh, Manu. Mais il y en a des honnêtes. C'est pas gentil. Ok, on va pas dire escroc, on va dire abuse des gens. Alors. Mais non, arrête, c'est pas parce qu'il y a quelques malhonnêtes qu'on doit faire une généralité. Non, c'est pas une question de malhonnêteté, c'est une question de tarif. Ouais, mais il y en a énorme. Qui ont des tarifs abordables. Sauf que c'est pas ceux que tu trouves en urgence. Bah oui, mais le serrurier, tu l'appelles toujours en urgence. Oui, c'est ça. C'est rare que tu anticipes le fait que tu aies fermé la porte sans tes clés. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est rare que tu anticipes le fait que, comme un con, tu vas fermer la porte et qu'elle va claquer derrière toi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, le serrurier, tu l'appelles toujours en urgence. Ouais. L'excuse de l'urgence ne marche pas. Julien, escroc ! Non, mais, ça le fait rire, en tout cas. Julien, c'est combien quand on t'appelle pour venir ouvrir une porte parce qu'on a oublié les clés à l'intérieur ? Ah bah c'est 90 euros. Oh bah tu vois ça va. 90 euros. Bah c'est cher, bah, c'est mais cher. Moi je me rappelle que ça m'est arrivé une fois, j'ai payé 500 euros donc. Quoi j'ai payé 500 euros et je me suis fait rembourser par mon assurance. Non mais attends, 500 euros parce qu'il t'a installé une autre serrure. Pas, il t'a pas fait le coup de clac-clac, là il ouvre la porte en deux secondes. Ah non, il a pété le truc et après il l'a remis et c'était la même serrure. Il m'a pas mis une autre serrure, donc c'était abusé. Me crie pas dessus. Ouais. Pardon, je suis énervée, c'était 500 euros, je viens d'y repenser. C'est pas moi, je n'ai pas ouvert ta porte. Hein. Julien, serrurier à Langon, en Gironde. Qu'est-ce qu'il y a, Paulette? Oui, je voulais lui demander s'il avait une histoire improbable. Oh, c'est ton moment, hein. Paulette, c'est son moment. Ah ouais. Je suis à Langon, là. Hein. Eh ben, écoute, Julien, est-ce que tu as une histoire improbable? Improbable, c'est ça que tu voulais? Oui. As-tu une histoire incroyable? Improbable de serrurier. Alors, j'ai une cliente qui m'a appelé un mercredi dans une semaine pour un cambriolage. Donc, il fallait vite que je vienne changer sa serrure parce qu'ils avaient pris ses clés en partant. Mmh. Et donc il y avait eu un bon feeling lors du dépannage et puis au final on s'est envoyé quelques messages au cours de la fin de semaine et le samedi soir on s'est vu pour un petit plan cul. Bah écoute, ça le mérite d'être clair. Hein. Julien est très détente. Ah ouais. Très c'est bien. Génial. Il est énorme. Je ne m'occupe pas que des serrures. Ouais. Très bien Julien. Et tu lui as pas demandé de la thune là, ça va là. C'est 90 euros. Écoute Julien, c'était notre rubrique les belles histoires de serrurerie. Ah ouais. Julien, on te double ton salaire, 2526 euros, ça arrive très vite pour toi. Bravo. Merci à vous. 8h09, ça peut vous arriver vous aussi. Pas l'histoire hein, d'avoir votre salaire doublé. Ouais. Il suffit d'aller sur energie.fr, Manu dans le 69.com ou sur l'application Manu dans le 69. Dans 3 minutes, des gens improbables qui font des choses improbables, c'est les concours du jour. C'est dans 3 minutes après Calvin Harris sur LRG. Sur Énergie, il est 8h12, on va écouter Maître Gims dans 3 minutes. Mais avant ça, voici des gens improbables qui font des choses improbables. Comme chaque jour, C'est les concours du jour, ce qui nous permet de nous dire que notre vie, elle est pas si pourrie que ça. Parce qu'il y a toujours pire que nous dans le monde. La preuve maintenant. C'est vrai. Aux États-Unis, un homme vole un 4x4 chez un concessionnaire et il s'aperçoit qu'il a pas beaucoup d'essence. Ouais. Du coup, il se dit quoi ? Il se dit, je retourne chez le concessionnaire et je vais plutôt déposer celui-là et voler un autre 4x4 qui aura le réservoir d'essence rempli. Oh non. Ah. Et là, deux problèmes. Le premier, c'est que la police, elle est déjà sur place pour le vol du véhicule. Et le deuxième, la police, ben, elle reconnaît le 4x4 volé. Du coup, elle se met à sa poursuite. Pas longtemps, puisque du coup, le mec, il est tombé en panne d'essence. Ah, bah, ouais. Il a tous les défauts. Et voilà. Ouais. Et l'autre mec, à aucun moment, il s'est dit que la solution la plus simple, c'était peut-être juste d'aller faire le plein d'essence à une station-service. Ouais. Ouais, ou ça. De pas voler une... éventuellement, ne pas voler. Oui, effectivement, mais là, du coup, il n'y a plus d'histoire. Voilà, c'est ça. Aux États-Unis, un homme braque une banque avec un chapeau de cow-boy et un bandana qui couvre quasiment tout son visage. Ouais. Il réussit à braquer la banque. Et le lendemain, il revient à la banque, à visage découvert, pour ouvrir un compte et y déposer l'argent volé. Ouais. Mais le banquier le reconnaît. Comment ? Parce qu'en fait, le mec a toujours sur sa tête son chapeau et le bandana, il l'a mis autour du cou. Mais non. Et voilà. Ah ouais. Le banquier a appelé la police qui est venue retirer Johnny Cowboy. Ouais, voilà, Cowboy un jour, Cowboy toujours. Quoi. C'est ça. Ouais. Très premier degré. Quoi. Et ça marche aussi avec pas futé un jour, pas futé toujours. Ouais, c'est vrai. Dernier concours du jour, ça se passe en Sibérie. Un homme vole une motoneige. Il la démarre et il va jusqu'à chez lui. Il a été arrêté en moins d'une heure parce que la police a juste eu à suivre la trace de la motoneige dans la neige. Oh mec. Mais non. Du lieu du vol jusqu'à la maison du mec. Oh. Et voilà. Comme c'est dans les enquêtes de Riri, Fifi et Loulou. Ouais. La même. Allez, 8h14, on revient tout de suite avec Maître Gims sur Énergie. Manu sur Énergie. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. Bonne journée à vous. Énergie. You walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. Ok, ok, c'est Dajou. C'est les chaînes comme Django. Django. Manu. Ah, Manu. J'adorerais t'écouter tous les jours, mais je peux pas. Je dors. C'est un peu vexant, mais bon, j'accepte. Faudra quand même qu'il se lève parce que Dajou sera avec nous mardi. Ouais, oui. Entre 8h et 9h30, Dajou sera avec nous. Il va faire quelques morceaux en live. Ouais. Ouais. Trop bien. Nous serons en direct du Gros du Roi toute la semaine prochaine. On sera en public. Si vous voulez venir voir Dajou, il suffit de vous inscrire sur manudansle69.com. Il sera avec nous. Et attention, dès lundi après-midi, Dajou va faire un truc de dingue avec nous. Ouais. Un concert ultra privé en pleine mer sur un bateau. Génial. Ça, c'est on va avoir un bateau et on va vous emmener avec nous pour un concert ultra privé de Dajou. Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez venir voir Dajou avec nous, voir nos émissions au Gros du Roi, il y a plus de 300 places. Et ben n'hésitez pas, il suffit d'aller sur manudansle69.com pour vous inscrire. 8h18 les amis, qu'allez-vous faire ce week-end? Ouais. Ce week-end, je vais surtout remplacez-le par ce que vous allez faire. Okay. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler, on vous prend au téléphone juste après le nouveau Maître Gims. C'est Corazon. Corazon, hein. Emmanuel dans le 69. Ouais. Bonjour Corazon. Dis-moi pourquoi tu fuis. Tout toi, qu'est-ce que je suis, mi Corazon. Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait, mi Corazon. Dis-moi où est-ce que tu vas. De te demander ta main. J'ai vu ton visage apparaître dans les flammes. Je préfère encore te contempler tout comme un gamin. Car tu es l'esprit du malin. Avec toi, impossible de savoir à quoi s'attendre. Tu changes de peau, tu te glisses dans des draps de satin. J'aurais préféré ne jamais croiser ton chemin. Oh, oh. Dévorer tous les hommes. Et d'après la rumeur, tu ne souris jamais. Tu prendras tout de moi, tu me laisses seul enchaîner. Est-ce que j'ai tort? Non, je savais. J'avance vers toi, les courbes de ton corps m'assomment. Tu diras, j'ai récolté tout ce que j'ai semé. Attends 2 minutes, j'ai déjà vécu la scène. Oh, oh, oh. Un jour tu me dis des mots doux, tu me fais savoir qu'on est un. Ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête, toujours là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Corazon, dis-moi pourquoi tu fuis. Tout toi, qu'est-ce que je suis, mi Corazon. Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait, mi Corazon. Dis-moi où est-ce que tu vas. Non, non, ne t'en vas pas, mi Corazon. Corazon, Corazon. Bon réveil sur Énergie, 8h22. On va écouter Kaigo, il y aura aussi Daniel Chiran qui arrive pour vous. Et tout de suite, on parle de notre week-end. Ouais. Bon, nous, notre week-end, il est assez simple. On va tous prendre l'avion et on va partir au Gros du Roi parce qu'il faut préparer l'émission de lundi. Ouais. Et passer un bon petit week-end cool aussi. Pas tous. Ouais, pas Nico. Ah non, Nico, t'arrives tard, toi. Ouais, ouais, bah j'ai le mariage de mon frère, moi. Qu'est-ce que vous avez fait. Enfin, je refais ma phrase. Ouais. Qu'est-ce que vous allez surtout faire ce week-end? Complétez cette phrase. Ce week-end, je vais surtout 0 870 42 48. On a Ludivine avec nous au téléphone. Bonjour Ludivine. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Bien. Salut. Qu'est-ce que tu vas surtout faire ce week-end Ludivine? Bah écoute, je vais surtout courir partout ce week-end. Donc j'ai la fête de l'école, j'ai la fête du foot. Et pour finir, j'ai le gala de danse. Oh merde. Ouais. C'est ça. Et, ils le disent pas ça quand tu fais un enfant. Ouais, c'est ça. Ah, non, mais surtout quand t'en as deux. Parce que là, t'as le foot, t'as la danse et les spectacles des écoles. Et toujours le même week-end ou la même semaine. Je vois qu'une seule solution, Ludivine. Tu dis que t'as été kidnappée. C'est une possibilité. Bon week-end à toi. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Surtout faire ce week-end. Nico. Ce week-end, je vais surtout manger, moi. Ah, pour ton mariage? Ah, c'est le mariage de mon frère. Prends ce buffet. Hein. Oh, le gourmand. Non, mais 22 heures, il y a toujours plein de trucs et son tout. Son frère, il aura pas encore dit oui que lui derrière te entendra. Ah, j'ai prévu les paquets de chips, c'est tout. Il est où le témoin? Bon, il est au bar. C'est ça. Audrey, bonjour. Salut, salut. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Énergie. Audrey, mais on est bien, nous. On est heureux, on est content comme chaque mais matin, moi Audrey. Aussi. Qu'est-ce que tu vas surtout faire ce week-end? Alors, ce week-end, je vais surtout rien faire. J'ai envie de jouer à la console avec mon mec. Je viens de me faire opérer des dents de sagesse, donc je sors pas. C'est horrible. Les dents de sagesse. Bravo de quoi? Bah, d'avoir passé le cap. Moi, ça fait 5 ans que je dois y aller. Opérer des dents de sagesse? Oui, oui, qu'elle pousse dans le mauvais sens et que j'y vais pas. Donc bravo, je trouve qu'elle a passé le cap. Mais il y a un moment, il faudrait que tu le fasses opérer quand t'arriveras plus à parler. Paulette, tu voulais dire un truc? Faut que tu fasses opérer. Merci de nous avoir appelé, Audrey. On a Gwen qui est là aussi. Bonjour Gwen. Coucou tout le monde. Qu'est-ce que tu vas surtout faire ce week-end? Bah écoute, moi ce week-end, je vais surtout regonfler les pneus de mon vélo parce qu'il est temps de s'y remettre. Ah oui. Enfin, si tu passes tout le week-end à regonfler les pneus de ton vélo, c'est que t'es pas très bon pour gonfler les pneus quand même. Non, j'en fais. Ah d'accord, oui, je vais surtout gonfler les pneus de mon vélo. Je sais pas comment on fait. Merci de nous avoir appelé Gwen. Belle journée à toi. 8h25, on revient tout de suite sur Énergie. Baby, you look happier. Avec Ed Sheeran, c'est Happier. Et les sondages du matin, les amis, ils arrivent dans un peu plus de 10 minutes. 14% des hommes pensent qu'ils arriveront à mieux draguer une fille en faisant ça. Oh. Ah. En faisant quoi? Ah, il y a le week-end qui arrive, ça intéresse. Ouais. Tout le monde. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Retrouvez-nous aussi sur l'appli Manu dans le 6-9. Excusez-moi, j'ai appuyé sur le bouton. Ça s'est entendu un petit peu. Ça a coupé le jingle au milieu. Génial. Oh putain, ça m'a buzzé. Ça va faire la une. Il coupe le jingle au milieu. Énorme. Je peux plus appuyer, j'en enchaîne. Gagnez vos places pour le Baroukaville, le plus grand festival électro d'Allemagne. Avec la phrase Énergie. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio des plus grands festivals, c'est Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de partir voir. This is Martin Garrix. C'est David Guetta sur Énergie. This is Axwell and Ingrosso. Et les top DJ mondiaux au Baroukaville en Allemagne. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. Patrick, j'ai dit non, on ne va pas au rayon fruits et légumes. Allez, aujourd'hui et demain, les nectarines jaunes et blanches sont à seulement 1,39€ le kilo. Patrick, t'es devenu accro aux promos. Mais c'est les jours fous de fraîche et Netto, c'est du délire. Il y a des promos partout. Netto, le discounter qui fait la différence. Calibre B, catégorie 1, origine Espagne. Liste des magasins participants sur netto.fr. J'adore me promener au parc, admirer les statues, me laisser bercer par la culture. Et foncer à la montagne pour une petite rando de 5 heures. Allez, le dernier refuge est un bouquetin. Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60€, Chris vous offre la deuxième. Urbaine ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer. Chris, opticien officiel du Tour de France. Valable dans les magasins Chris et sur Chris.com sur une sélection de montures. Offre non cumulable avec des promotions en cours, conditions en magasin ou sur Chris.com. Edelweiss ! C'est avec beaucoup de joie, mais sans alcool, que la bière Edelweiss vous fait part de sa dernière création. Edelweiss saveur citron givré. Ultra rafraîchissante, elle s'annonce 100% gourmande pour 0% d'alcool. Félicitations, c'est une Edelweiss saveur citron givré et sans alcool, s'il vous plaît. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Décathlon, c'est aussi la joie de... De la randonnée, des réveils à l'aube, de respirer, d'aller de découverte en découverte, de ne faire qu'un avec la nature. Oui, oui, oui, on a compris. Cet été, retrouvez les chaussures de randonnée MH100, modèle homme ou femme, tout confort, à seulement 30€ chez Décathlon. Télécom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Waouh, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone X à un prix incroyable lui aussi. Ah bah tu sais faire ton petit effet toi, hein. Et oui, en ce moment, chez Bouygues Télécom,

Bien sûr, ça me manque tellement de pouvoir faire mes concerts. J'ai envie de t'entendre que ça explose de cris, pouvoir faire sonner toutes ces enceintes qu'il y a autour de moi. Tu vois, j'ai envie que ça pète et que les gens ils font la fête, qu'ils oublient tout, tu vois. Disneyland, bon, je connais, depuis tout petit, je suis tout le temps allé là-bas avec mes parents, mes cousins, tout, ma famille, toujours. Ça va être sympa de pouvoir chanter là-bas. Ça va me rappeler des souvenirs et je vais revenir là-bas en étant, en ayant une carrière de chanteur. J'adore mon Walt Disney, je suis comme un enfant. Hein. Les attractions, je les connais par cœur. Je pense que je vais le refaire un peu parce qu'il y a des nouvelles attractions qui s'ouvrent dans le studio, je crois, Disney Studio. On va les tester. Bon, l'interview signée Morgane Barthélémy. Kenji à l'affiche donc du Energy Music Tour de Disneyland Paris demain avec Kungs, Amir, Kinvé ou encore Slimane. Vendredi 22 juin, c'est la fin de ce flash. Bonne fin de semaine avec Manu dans le 6-9 sur Energy. Bonne journée. Bienvenue sur Énergie, il est 8h33, Ed Sheeran arrive et juste après, comme chaque jour, les sondages du matin. Ouais. 14% des hommes pensent qu'ils arriveront à mieux draguer une fille en faisant ça. Ah. Vous voulez la réponse, il va falloir patienter. Avant ça, j'ai une belle petite liste devant les yeux. Ouais. C'est une liste des objets improbables retrouvés dans des estomacs de gens. Et... Oh. On ne sait pas comment ils sont arrivés là, mais on sait qu'ils y sont arrivés dans l'estomac de gens. Tout est vrai, écoutez bien. Ouais. On a déjà retrouvé 40 couteaux. Oh. En Inde, un homme avait une addiction aux couteaux. Il appréciait le goût de métal. Ah oui, c'est une maladie ça. Hein. Ça arrive aux femmes enceintes aussi, ouais. D'avaler 40 couteaux, ouais. D'aimer le goût du métal. J'ai une copine enceinte, elle mangeait des clous. Elle le suçait des clous. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Non, mais elle peut pas manger des clous, elle a un bébé dans le ventre. Elle suçait des clous, elle les avalait pas. Mais elle avait besoin du goût du métal. D'accord, ok. Ce qui est gênant, c'est quand ça ressort, quoi. Les couteaux, t'as pas envie de savoir. Bah, apparemment, ils arrivaient pas à ressortir du coup, là. Ah, bah oui, il a faut opérer. Ça a été. Effectivement. Oui. Docteur Paulette. Voilà. Ah, là, il faut y passer, là. Oh là là. Capitaine Évidence. Mais là, la faute. Effectivement, Paulette, il faut opérer quand un homme a 40 couteaux dans l'estomac. Oui. C'est assez logique. Et vivement les vacances ou pas? Oui, on est d'accord que Paulette t'écrit pas les scénarios de Grey's Anatomy. Hein. Faut opérer. Ouais, faut opérer. Dans la liste des objets improbables retrouvés dans des estomacs de gens, il y a aussi 12 pépites d'or valant 138 000 euros. Wow. Un Belge les avait avalées pour éviter les frais de douane. Oh non. Eh bah, c'est ouf. Alors, on a retrouvé aussi dans le ventre de quelqu'un un stylo qui était dans le ventre depuis 25 ans. L'histoire, c'est une Anglaise de 76 ans qui l'avait avalé 25 ans plus tôt en se grattant les amygdales avec. Personne ne l'a cru, elle a fini par l'oublier. Mais non. Pendant 25 ans et on a retrouvé le stylo après. Wow, c'est fou, il est jamais ressorti quoi. Eh ben non. Un kilo de clous, ça a aussi été retrouvé dans un estomac, c'est dans l'estomac d'un Péruvien. Et alors la raison, c'est pareil que l'homme aux 40 couteaux, il aimait ça. Oh là là, c'est fou. Ah ouais. Ah non mais lui, il va bouffer chez Casto. C'est ça. On a aussi retrouvé dans l'estomac de Jean 30 magnettes. Ils étaient dans l'estomac d'une petite fille aux États-Unis. Oh. Mais elle va bien, vous inquiétez pas. Ouais. Ouais. Le seul problème, c'est que dès qu'elle passait à côté d'un aimant. C'est horrible. Allez, 8h35, les sondages du matin. Arrive dans 3 minutes, juste après Ed Sheeran. Soyez les bienvenus, c'est le week-end qui arrive et ça se sent. On est vendredi. Va falloir opérer. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That telling myself you're happier, aren't you? Guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Baby, you look happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. 8h39, soyez les bienvenus sur Énergie. Attention, nous avons besoin de mauvaises mamans. Toutes les mamans sont formidables. Oui. Vous êtes la meilleure maman pour votre enfant. Mais parfois, vous n'êtes pas la meilleure maman. Ah oui, on n'est pas infaillible. Eh bien, venez nous raconter ces moments-là. Venez nous raconter quand vous n'avez pas été la meilleure maman. Vous avez fait un truc. Vous en voulez un petit peu, mais ouais. On a tous des petites faiblesses de temps en temps. 0870 42 48, le concours de la. Non, pas non. De la pire. Non, non, non, non, c'est de la. Le concours de là, j'ai pas été la meilleure maman à ce moment-là. Ouais, ouais. Voilà, ce petit moment où vous dites ah, j'ai pas été la meilleure maman. 0870 42 48, vous nous appelez, on vous prend au téléphone juste après Kaigo. Et tout de suite, c'est comme chaque jour, les sondages du matin. Yes. 14% des hommes pensent qu'ils arriveront à mieux draguer une fille en faisant ça. En faisant quoi, Nico? En lui offrant un verre? Non, ça c'est classique. Ouais? Non, non, non, non, en faisant un truc spécial. Ah. En se léchant les lèvres? Ah! Comme ça un peu? Ouais. Ah non! Genre un truc sexy là? Ça peut être sexy, ouais. Mais ça apparemment ça l'est pas. Non, non. Il a besoin d'un accessoire pour le faire ou pas du tout? Besoin de rien du tout. Ah. En la fixant? En fixant, genre. Angoisse. Voilà, le truc un peu. Okay. Non, c'est pas ça. En lui posant des questions sur elle? Non. 14% des hommes pensent qu'ils arriveront à mieux draguer une fille en faisant ça. C'est quelque chose qu'ils font eux, hein. Ah, en parlant anglais? Non. Genre, ils sont étrangers, tu vois. Ah, c'est pas con, ouais. C'est pas con, mais c'est pas ça. En se passant la main dans les cheveux? Non, non plus. En faisant de la musculation? En train de, pendant que tu dragues. Donc, t'es là, t'es en bois, je t'offre un verre, non, tu veux pas de verre? Et si je te faisais des pompes? 14% des hommes pensent qu'ils arriveront à mieux draguer une fille en chuchotant. Ah ouais, ah ouais, ça peut avoir un petit côté sexy. Oui, ouais. Enfin pareil, en boîte de nuit, je t'offre un verre. J'entends pas ce que tu me dis. Je t'offre un verre. Ça marche pas. 4% des gens disent ne jamais, jamais le faire. C'est quoi? C'est un peu cracra ou pas? C'est un peu cracra. Ah oui. Se laver sous les pieds. C'est alors le mot laver est dans la phrase mais pas à la bonne place. On fait un mastermind. Ah. Laver ses chaussures. Non, mais c'est laver quelque chose. C'est de l'hygiène corporelle ou pas du tout? C'est pas corporel, mais c'est de l'hygiène. Laver leur couette, leur housse de couette. Non. Laver leur frigo. Non. 4% des gens disent ne jamais, jamais le faire, laver leur voiture. Ah ouais. Ils ne lavent jamais leur voiture. Ah oui, c'est vrai. Il y en a, ça se voit quand même. Ah ouais. Bah, tu sais combien de fois le mec est allé au McDo dans le mois, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est vrai. 22% des femmes trouvent qu'un homme qui en a trop n'est pas sexy. Trop de quoi? Trop de style. Trop de style, non. Ça de muscles, justement. Ah bah oui. Ah bon? Bah oui. 22% des femmes trouvent qu'un homme qui en a trop n'est pas sexy, des muscles. Ah ouais, je déteste. Eh bah moi, je vous annonce que je suis méga sexy. Mais moi, je déteste ça si je suis comme Paulette. Eh bah écoute, faites-vous plaisir. 8h42, les sondages du matin, ils reviennent évidemment lundi à la même heure. Attention, dans 3 minutes, vous n'êtes pas la meilleure maman. Eh bah ça nous intéresse. Quel a été ce petit moment où vous vous êtes dit ah, là, je suis pas la super, super maman. On vous prend au téléphone juste après Kaigo sur Énergie. It never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves ending violence. It's tearing up my voice left in silence. Baby, it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark. Reminding me to forget. It doesn't matter where you are. You can keep my. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core. Still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard. Holding on to my chest. Maybe you left your mark. Reminding me to forget. It doesn't matter where you are. You can keep my regret. Baby, I got these scars. Reminding me to forget. You left your mark. You left your mark. Reminding me to forget. You left your mark. As you like, I need you to let go. Got things we're meant to, but I'll be alright. Yeah. Baby, it hits so hard. Holding on to my chest. Baby, I got these scars. Reminding me to forget. You left your mark. You left your mark. Reminding me to forget. Bienvenue sur Énergie, il est 8h45. Les mamans sont les meilleures mamans du monde, toutes les mamans. Ouais. Mais parfois, quand on est maman, on a un petit moment de faiblesse. Un petit moment où on se dit, ah, avec le recul, là j'ai pas été la meilleure maman du monde. Et ben c'est ce moment qui nous intéresse. Ouais. 0870 42 48, venez nous raconter quand est-ce que vous n'avez pas été la meilleure maman du monde. Juste après, on va s'écouter Kenji, mais avant ça, Angélique est là au téléphone. Bonjour Angélique. Bonjour Manu, salut les wouah. Coucou. Salut. Salut. Quand est-ce que tu n'as pas été la meilleure maman du monde, Angélique? Eh ben écoute, j'ai pas été la meilleure maman du monde la semaine dernière parce que j'ai oublié de mettre le pique-nique de mon fils pour sa sortie scolaire. Oh dur. Du coup le pauvre, bah ah oui un peu ouais. Du coup ses copains ils ont eu pitié de lui, ils ont donné un paquet de chips. Oh pauvre chat. Oh. Oh, non. Alors que tout le monde avait des bons sandwichs, ils avaient de la viande, du poulet, des légumes. Ça, lui il a bah, mangé les encore, chips. Hein. Oh là là, ah bah oh là, ouais. Là. Oh, dur. Oh c'est dur. T'as été le chercher quand même à la fin? Ouais quand même. Ah c'est dur. Et là il m'en veut encore. Ah bah, je comprends. Ouais. Merci de nous avoir appelé Angélique. Ne t'inquiète pas. Les meilleures mamans. Vous êtes tout le temps la meilleure maman pour votre enfant. Ouais. Bon, sauf là pour le goûter. Alice, bonjour. Bonjour, salut Manu, salut les wouah. Salut. Bienvenue sur Énergie Alice. Quand est-ce que tu n'as pas été la meilleure maman du monde? Hier, en emmenant mon fils à l'école. Il m'a dit, maman, tu n'oublies pas de mettre tes affaires, mes affaires dans la voiture. Non, chérie, je n'oublie pas. Et là, quand j'ai démarré, j'ai senti que je roulais sur quelque chose. Oh. Et j'ai regardé dans le rétro et j'ai roulé sur son doudou. Attends, tu m'as fait peur au début. Ah hein. Ouais, oh là. Oh, j'emmène mon enfant à l'école, je recule, j'ai l'impression que je roule sur quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle va me raconter? Oh, l'histoire. Ça va, c'est que le doudou. Ah oui. Ouais. Mais du coup, il est un peu en piteux état, quoi. Bon, il a demandé un bon coup de machine à laver. Ah bah ouais. Il a rien de cassé donc c'est, ça va. C'est l'avantage des doudous, ils peuvent tomber du 6ème étage, ils sont toujours mais en oui, forme. Ouais. Voilà. Et ça ne marche qu'avec les doudous. Merci. Merci de nous avoir appelé Alice. Belle journée à toi. Bonjour Lucie. Salut tout le monde, salut Manu. Bienvenue sur Énergie Lucie. Bah, toi aussi, tu es une magnifique maman, mais à quel moment tu n'as pas été la meilleure? Moi j'étais installée dans mon canapé tranquillement, j'ai appelé mes enfants avec une soudaine envie de leur donner un bonbon juste pour qu'ils me passent la télécommande. Ah, ah la flemme. En fait tu les tu les achètes quoi en gros. Ah, c'est oui. Ça, en gros je les fais venir dans le salon juste pour qu'ils me filent la télécommande, j'ai rien à leur donner en fait. Mais tu leur as même pas donné de bonbon? Non. Ça dépend l'heure hein. Oh non. Mais il y a un moment ils vont plus venir hein, dans le salon, ils vont douter de quelque chose quand même tu sais. Oh non, mais ils savent, hein. Mais ils viennent toujours. Ouais. Ils écoutent bien, ces enfants. Tu sais quoi, Lucie, c'est la maman qui culpabilise. J'ai besoin de toi, j'ai besoin c'est de ça. Toi. Passe-moi la télécommande. Tu n'as pas été la meilleure maman du monde, Lucie, je l'avoue. Mais ce n'est pas grave. Laurence, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Laurence. Quand est-ce que tu n'as pas été la meilleure maman du monde? Alors moi, j'ai utilisé les points oranges de ma fille pour me prendre l'iPhone 8. Mais bon, elle a 12 ans, elle a l'iPhone 5, c'est déjà très bien. Ah bah oui, elle n'en a pas besoin. Ouais. Hein, oui, enfin, voilà. Elle peut ne pas avoir besoin du nouvel iPhone, mais tu lui as volé ses points. Un petit peu, voilà, mais bon. Elle a l'iPhone 5, ça va, comme elle dit. Mais ça commence par voler les points, et ensuite, quand elle sera plus grande, elle aura encore 20 ans, tu lui piqueras son Mac aussi. Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça, tu sais que c'est un truc qui va rester à vie, elle va te le reprocher, elle va réclamer sur l'héritage. Oh. Mais elle le saura jamais. Quoi, elle le saura jamais? On va l'appeler tout de suite, oui. Et tu lui as même pas dit que t'avais volé ses points? Non, bah non, là, je dois le savoir, c'est moi qui gère les papiers. Bah t'as bien raison. L'autre. Mais non, mais écoute, elle le saura jamais. En même temps, qui paye le forfait de sa fille, c'est l'autre. Voilà. Non, on ne vole pas les points de téléphone. Vrai. Bah oui. C'est moche. C'est inadmissible. Non, arrête. Qu'on appelle la police. Mais non. Tu donneras l'iPhone 8 quand t'auras acheté l'iPhone 10. Dans 3 ans, 3 4 ans. Voilà. Et donc, elle n'aura jamais de téléphone à la pointe Ok. Merci de nous avoir appelé, Laurence. Belle journée à toi. On a Manon qui est là. Bonjour, Manon. Bonjour, tout le monde. Manon, tu n'as pas été la meilleure maman du monde. On t'écoute. Oui, c'est tout le temps en fait. J'ai 4 enfants, donc je ne sais plus comment les appeler. Je mélange les prénoms, alors ils me crient dessus parce qu'ils me disent non, c'est pas moi. Ah ouais. Attends, mais t'as combien d'enfants? J'en ai 4. Et il y a des fois, tu sais plus qui est qui? Non, je sais plus. Je les appelle l'un par le prénom de l'autre, etc. Alors ils me disent mais non, mais c'est pas moi, tu m'agaces. Et moi, je m'y perds à force. Mais t'es sûr que c'est les tiens? Ils ont pas été changés à un moment? Bah, je crois. Bah, elle peut relativiser, hein, parce que moi, mes parents m'appellent toujours Sophie, c'est le prénom de ma sœur. Ah ouais. Tu vois, t'es pas seule. La technique après, Manon, vraiment, si tu n'y arrives pas, tu fais comme Blanche-Neige. Toi, c'est grincheux, toi, c'est simplé. Et tu leur donnes des pioches, ils vont à la mine, comme les sept nains. C'est pas grave, je sais pas, je suis fatigué. Manon, merci de nous avoir appelés, on te souhaite une belle journée. Gros bisous. Gros bisous. Ça me rassure quelque part. Ouais, oui. Ça va. On n'est tous pas la meilleure maman. Ouais. Bah, on n'est pas infaillible, quoi. On est des humains. Hein. C'est ouais. Beau. Ouais. Je crois que là, on a fait le tour de. Ouais, bon, là. Alors, on n'a plus d'arguments, là. Du coup, on va s'écouter Kenji. 8h50. Maria Maria sur Énergie. Bon réveil. Merci d'être là avec nous, comme chaque matin. Et ça recommence. Je parle d'amour que dans un silence. Mes yeux savourent son galbeuse des hanches. Entre méfiance et ce qu'elle en pense, je prends ses courbes et j'augmente mes chances. Je me demande ce qu'on fera comme folie. Dès comme des torticolis, j'entends toute sa mélodie. On y passera toute la nuit. Et comme toujours, ça recommence. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. C'est exceptionnel. Elle a peur d'avion mais veut toujours le septième ciel. Dire ce que je ressens, non, ça ne vaut pas la peine. Elle me fait de scène 8 jours par semaine. En filature, j'ai pris ses sentiments. En miniature, j'ai pris des photos d'elle. Je suis le meilleur, elle le fait que soit possible. Je dis à tout à l'heure, elle me dit je serai pas là. Dans son cœur, y'a de quoi faire des ricochets. Il n'y a plus d'amour, y'a que des états d'âme, d'âme. Je veux que tu meurs de moi, moi. Serre-moi contre toi, toi. Je veux que tu meurs de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Es que Maria, tu me bailas de locura. La temperatura como la noche está dura. Y toda una aventura, más rica que pura. Mírame Maria, con tu cuerpo tú me curas. Tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, 53, bon réveil sur Énergie. On va s'écouter le nouveau Aya Nakamura, ça arrive, il y aura aussi Dua Lipa. Et avant ça, quelques infos. Cool. Ouais. Si vous vous êtes endormi hier à 16h et que vous venez de vous réveiller, vous n'êtes pas au courant. Ah ouais. Et la France est championne du monde. Ouais, ça y est. T'emballe pas. Presque. Ouais. On n'a jamais été aussi proche d'être champion du monde qu'aujourd'hui. C'est vrai, on va y arriver. Alors, hier, la France a gagné 1-0 contre le Pérou grâce à un but de Kylian Mbappé, le plus jeune joueur de foot français à avoir marqué un but en Coupe du Monde. Ah, il est fort. Il a 19 ans. C'est beau. Le mec, il a 19 ans, il marque des buts pour la Coupe du Monde. Moi, à 19 ans, je m'amusais avec les cartons de mes pizzas, quoi. Ah oui. Devis de destin. J'ai l'impression de ne pas avoir pris le bon chemin. Ouais, tu marquais des buts à FIFA, toi, sur console. Ah ouais. Ah, ça marche aussi. Voilà, c'est pas mal. Ouais. C'est bien, Manu. Merci. On a l'impression que c'est les gens qui essayent d'aider un enfant qui a des soucis. Oui, oui. C'est bien, Manu, c'est bien. On a un chiffre aujourd'hui. Il est tombé hier. Instagram a passé le cap du milliard d'utilisateurs. Wow. Ouais. Un milliard d'utilisateurs sur Instagram. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a depuis hier une nouvelle fonction. Yes, ouais. De vidéos, de stories de vidéos un peu plus longues. Ouais. On peut faire des stories de vidéos de 60 minutes. Ah ouais. Non. En gros, ils veulent concurrencer YouTube. Le seul truc, c'est que moi, les stories Instagram, je les regarde quand je suis aux toilettes. Ouais. Si on commence à faire des vidéos de 60 minutes, j'installe le lit directement dans les toilettes, en fait. C'est Allez, 8h55, on revient tout de suite avec Aya Nakamura. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, c'était le mauvais bouton. Mais Aya Nakamura arrive quand même. Ouais, tout de suite. Manu dans le 6-9. Énergie, coco et go. Votre radio préférée. Vos hits préférés. Ici. Ici. C'est Énergie. Énergie. Hit music only. Chérie. Oui. Est-ce que tu accepterais de venir en vacances avec moi cet été? Oh oui, je le veux. Vous allez faire un heureux pour les vacances d'été. Et oui, du 19 au 30 juin, c'est la promo duo TGV avec deux billets pour le prix d'un. Faites vite, c'est jusqu'au 30 juin seulement. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur Oui SNCF et en agence de voyage agréée SNCF. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Ma cuisine, je la veux comme je l'imagine moi. Je veux pas faire de concessions sur quoi que ce soit. On vous répond, pas la peine de vous priver. Jusqu'à ce dimanche 24 juin, bénéficiez de 10 euros offerts en carte cadeau tous les 100 euros d'achat sur tout l'univers cuisine. Comme ça, pas de concessions à faire. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. Avec ma carte La Halle, vous êtes privilégié. Pour vous, La Halle réserve ses ventes privilèges. Des remises totalement dingues, jusqu'à moins 50% sur une sélection de chaussures et de vêtements. Il n'y a aucune raison de vous priver, c'est jusqu'au 26 juin. A tout de suite en magasin ou sur lahalle.com. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Montez le son de votre radio, montez, montez! Il y a un nouveau prix inratable chez U. C'est au rayon boucherie. Le rôti de veau 2 étoiles à mijoter Origine France est à 7,79€ le kilo seulement. Répétez ça. 7,79€ le kilo de délicieux rôti de veau à mijoter. Oh, manquerait plus que ça que vous le ratiez, ce prix inratable. Oh bah alors là... C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasinu.com. U. Commerçant autrement. C'est moi! Bah, t'as changé la table? Non. Et le buffet? Non plus, j'ai appris à relooker nos meubles chez Ikea. Waouh! Mais qu'est-ce que t'as fait de l'armoire de ma mère? Ah là, j'ai rien pu faire, mais elle fera une très jolie table basse. Vous aussi, offrez une nouvelle vie à vos meubles. Ce samedi 23 juin chez Ikea, vivez une journée exceptionnelle autour du développement durable. Profitez des conseils de nos experts au cours d'ateliers gratuits pour réduire notre impact sur l'environnement. Ikea. Liste des magasins participants sur ikea.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Énergie. Sans abonnement. Avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Ça va être la fête chez Carrefour Market. Eh ben dites donc, on dirait que c'est la fête chez Carrefour Market. Et oui Michel, Carrefour Market fête ses clients. Dès demain et jusqu'à dimanche, le VTT assistance électrique Carrefour revient à 549€. Après remise créditée sur le compte de fidélité. Décidément, pour les promos, vous ne manquez jamais d'inspiration. Un VTT assistance électrique qui revient à 549€, en voilà une bonne idée cadeau. Carrefour Market. V5500, 27 pouces et demi, 300€ de remise créditée sur le compte de fidélité. Quantité limitée à 1200 pièces. Modalité et magasin participant sur carrefour.fr.

Si à tout hasard, il vous reste une petite part de pizza de votre soirée foot d'hier, gardez-la pour les Tortues Ninja. Donatello, Michelangelo, Raphaël et Leonardo seront bientôt de retour au cinéma. Hollywood planche actuellement sur un reboot de leurs aventures. Le projet d'ailleurs a été confié au producteur Michael Bay, à qui on doit entre autres les derniers Transformers. Il n'en est encore qu'au stade de développement. Aucune date de sortie n'a donc été fixée pour le moment. Un concert au ciné comme si vous y étiez pour finir. C'est la proposition du groupe Imagine Dragons à ses fans français aujourd'hui. L'un des shows de la tournée Smoke plus Mirror, ça a été filmé en 4K. Le live sera donc projeté ce soir dans de nombreuses salles CGR du pays. 9h03, c'est la fin de ce flash. On est le vendredi 22 juin. Très bon réveil, très bonne matinée, bonne fin de semaine sur Énergie avec comme chaque matin Manu dans le 6-9. Bonne journée. Comme chaque matin, 9h04, il y a le nouveau Aya Nakamura qui arrive pour vous. Juste après, ce seront les infos de Glandu du vendredi. Ouais. Du lundi au jeudi, il donne des réponses à des questions que personne ne se pose. Mais le vendredi, il donne des réponses aux questions que vous vous posez. Ouais. Vous lui envoyez vos questions sur l'application Manu dans le 6-9, vous envoyez un message vocal et il y répond, c'est dans 5 minutes. Il y aura quoi ? Si on creusait un trou géant sous nos pieds, jusqu'à l'autre côté de la Terre, et qu'on sautait dedans, qu'est-ce qui se passerait ? Bah, je sais pas, mais saute en premier en tout cas. Et ben, on nous a posé la question. Et t'as la réponse ? Et j'ai la réponse. Bien. C'est dans 3 minutes sur Énergie. Avant ça, j'ai une enquête qui a été menée auprès de 1000 Français sur les objets qu'on prend avec nous en vacances. Qu'est-ce que vous prenez avec vous systématiquement en vacances ? Moi, déjà, c'est une multiprise. Ah oui, c'est vrai. Toujours, j'ai un toc, c'est une multiprise. Et c'est malin. Bah, je sais pas si c'est malin, mais c'est mon toc à moi. Toujours une multiprise. Ouais. Voici le top 3 de ce que les Français prennent toujours avec eux en vacances. Numéro 3, des ustensiles de cuisine. Ah ouais, ah ouais. Ils prennent leurs ustensiles de cuisine. Bizarre. Okay. Bah non, pas bizarre. Si jamais tu loues une maison, tu veux être sûr qu'il y a tes ustensiles de cuisine. Bah ouais, d'accord. Je peux comprendre. Mais ma coloc, elle prend tout le temps son mug avec elle en vacances. Elle, c'est son mug parce qu'elle dit qu'il est adapté à ce qu'elle doit boire le matin. Adapté à sa bouche. Parce qu'elle a une énorme bouche. En numéro 2, des objets qu'on prend avec nous quand on part en vacances, nos draps. Il y a des gens qui ne supportent pas de dormir dans les draps des autres, qu'on déjà servi. Ouais, c'est leur drap à eux. Ouais, tu sais pas s'ils ont été nettoyés en plus avant et tout, donc t'es suspicieux. Ça se voit quand même quand c'est nettoyé. Ah oui. Ouais, je peux comprendre quand même. Il y a surtout des locs où on te demande de les prendre. Ah oui, alors là du coup ce n'est plus dans l'étude parce que là ce serait un sujet sur qu'est-ce qu'on vous oblige de prendre. Dans les locks. C'est très pointu. Hein. Et enfin écoutez bien le numéro 1, la chose numéro 1 que les Français prennent avec eux quand ils partent en vacances, c'est leur oreiller. Ah ouais ? C'est ce qu'ils prennent en premier. C'est gros. Mais tu sais que je prends mon oreiller que je pensais que j'étais tarée. Alors, je suis peut-être tarée pareil. Oui, ouais. Mais je suis contente de pas être la seule en tout cas. Ah bah t'es pas la seule, c'est le truc numéro 1 que les gens prennent. Voilà. Mais du coup, une fois que t'as mis l'oreiller dans la valise, on est d'accord, t'as plus de place que pour un caleçon quoi. Ah oui, ça se passe, un oreiller. Bon. Qu'est-ce que vous prenez systématiquement avec vous quand vous partez en vacances ? C'est pas mal ça comme sujet pour lancer le week-end. Ouais. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Tout de suite c'est Aya Nakamura sur Énergie. Et juste après les infos de Glandu. Ouais. Cool. Il va nous dire ce qu'il se passerait si on creuse un trou et qu'on tombe dedans. Ouais, c'est ça. Enfin un grand trou hein, sinon c'est nul quand même. C'est ça ton truc. Ouais, un trou jusqu'à l'autre bout de la terre. Ah sinon, ouais, c'est... sinon ça ne marche pas. Est-ce qu'on tombe dedans quoi. Et oui, est-ce qu'on tombe dedans et où est-ce qu'on s'en ressortirait tout ça quoi. Oh, ok d'accord. Il y a Aya Nakamura qui vient de m'envoyer un SMS qui me dit j'ai commencé à chanter là. Ok d'accord. Donc on la laisse tranquille. Ouais, ouais. Bon réveil sur Énergie, on est avec vous jusqu'à 9h30, c'est Manu dans le 6-9. Hello papi, mais qui passe ça ? J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça ? Le monde est hyper. Tu croyais quoi ? On se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. En katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se jouer le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta cata, Dja Dja. Genre, en katana, baby, tu get ça. Y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta cata, Dja Dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, Dja Dja. J'suis pas ta cata, Dja Dja, non. Y'a pas moyen, Dja Dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, Dja Dja. J'suis pas ta cata, Dja Dja, non. Y'a pas moyen, Dja Dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. D'après toi. En katana, baby, tu dettes ça. Katana baby, on katana baby tu dettes ça. On katana baby, oh Dja Dja, oh Dja Dja, oh Dja Dja. Bienvenue sur Énergie, il est 9h09, on va écouter Dua Lipa, ça arrive pour vous, et l'appel automatique de Georges aussi, ce sera juste avant Dua Lipa, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui appelle un petit peu partout, c'est dans 5 minutes, mais maintenant... Voici les infos de Glandu du vendredi. Ouais. Toute la semaine, il donne des réponses à des questions que personne ne se pose, mais le vendredi, il se dit, tiens, si je donnais des réponses à des questions que les gens se posent. Ouais. Et ce sont vos questions, vous les posez en envoyant un message vocal sur l'application Manu dans le 6-9. Pourquoi on applaudit à la fin d'un spectacle ou pour montrer qu'on est content? Mono se pose la question. Moi, j'avais une petite question là pour Glandu. Hey, dis-moi, Glandu, cette semaine, je suis allé voir ma fille en spectacle et à chaque fin de prestation, tout le monde applaudit. Et du coup, j'aurais voulu savoir, ça vient d'où ça, le fait d'applaudir à chaque fois? Très bonne question. Ouais. Ah ouais. Alors avant de répondre, j'aimerais d'abord citer André Gide. J'aimerais dire bonjour à Stéphane. J'aimerais rendre hommage à André Gide qui disait « La qualité des applaudissements importe bien davantage que leur nombre ». C'était dans Si le grain ne meurt, ce que tu as dû lire sûrement. Mais si on faisait carrément plutôt la réponse à la réponse. Allons à la réponse. En fait, alors les avis divergent un peu parce que déjà, c'est un instinct naturel, les applaudissements. Très jeunes, les jeunes enfants applaudissent pour montrer qu'ils sont contents. Et parce qu'on leur montre aussi. Oui, bah, on leur dit ils tapent des mains, ils font un peu par mimétisme. Mmh. Mais l'origine des applaudissements à la fin d'un spectacle est très ancienne. Déjà, dans la Bible, il parlait d'applaudissements. Donc c'est ancien. Ouais, quand Moïse il arrive là et tout, que le buisson ardent fait oh bravo. Alors c'était pas le passage. On les 10 commandements. Le mec il marche sur l'eau, Jésus, bravo. La vraie origine des applaudissements, ça viendrait de la Rome antique. Ah. C'est les Romains, à la fin d'un spectacle, c'était ils avaient différentes façons d'applaudir. Oh le mec, le pain en vin. Oh putain, bravo. Mais non, la Rome antique, on est plus dans la Bible. Ah bon, pardon. Ouais. Et du coup, ils applaudissaient de différentes façons. Soit pour ils claquaient des doigts, s'ils étaient un peu contents. Ah. Ils applaudissaient avec la paume plate ou la paume creuse, selon qu'ils étaient plus ou moins contents. Et s'ils étaient vraiment comme des fous, ils agitaient la toge, comme ça. Ils agitaient leur toge pour montrer qu'ils étaient très très contents. Ah. Ouais. Et les acteurs demandaient les applaudissements. Ils disaient « Valete et applaudite ». Ça voulait dire « Portez-vous bien et applaudissez ». D'accord. Donc voilà. Et donc, depuis, c'est resté et tout le monde continue d'applaudir. Quoi. C'est génial. Ouais. Oh, bah, écoutez, félicitations. Il y a même un record du monde des applaudissements, c'est 113 décibels. Ouais, mais ça, on n'avait pas posé la question. Ça, c'est un néo-zélandais. C'est le bruit d'un marteau piqueur. Il va trop loin toujours. Ouais, non, mais là, il est. Alors, Glandu, c'est bien. Mais là, il est passionné. Oui, mais il est 21h. Bon, avançons alors. Solène s'interroge sur l'origine d'un nom. Ah. Glandu, pourquoi un nid de poule, ça s'appelle un nid de poule? Ah mais c'est vrai, alors les nid de poules c'est sur la route quand il y a un trou. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Nid de poules, ça a apparu en 1926, ça fait quand même assez longtemps qu'on parle d'un nid de poule. Et j'ai consulté du coup les plus grands spécialistes du nid de poule. Mais avant il aimerait citer André Gide. Je me suis dit Honoré de Balzac et Guy de Maupassant parlaient de nid de poule déjà à l'époque. Et j'ai consulté et il y a deux explications possibles. La première, c'est qu'en anglais, poule, ça veut dire flaque, poule, P-O-O-L. Mmh. Et en fait, quand ils sont gorgés d'eau, les nids de poule, eh ben, ça ressemble à une flaque et du coup, ça serait une déformation de l'anglais, P-O-O-L, que nous on aurait écrit P-O-U-L, un nid de poule. P-O-U-L-E. Pas oui, elle, pardon, oui. Il n'y a pas de mal. Excuse-moi. Ouais. Il a des explications, mais il est nul en tout. Et l'autre explication, ça vient de la nature, tout simplement. C'est que dans une basse-cour, les poules, elles creusent des trous pour y nicher et pour se débarrasser des parasites en fait. Elles se frottent comme ça dans la poussière. Et donc en fait, on a par analogie, on a créé le nid de poule puisque le trou dans la route quoi. Absolument. Ah, tout simplement. Cool. Ça n'a jamais été créé par des poules sur la route. Non, alors c'est jamais les poules qui vont creuser le macadam. Non, parce que sinon il y aurait quand même 2-3 cadavres de poules sur les côtés parce que bah non, mais ça aurait été compliqué avec les voitures qui passent. Oui. Voilà, donc aucun animal n'a été blessé pendant le tournage. Très bien. Une dernière ? Oui, une question complètement absurde de Nico. Coucou les Wawins, j'ai une question pour Glandu. Si maintenant on creuse un trou et on descend tout droit et on fait abstraction du noyau de la Terre, théoriquement sur un papier, on devrait tomber les jambes dans le vide ? Comment ça se passe ? C'est une bonne question, absurde, mais une bonne question quand même. Ouais. Ouais. Alors déjà, si ça arrive, si vous voyez un grand trou qui mène de l'autre côté de la Terre, n'y allez pas. N'y allez, exactement. Pourquoi ? c'est vrai, c'est une vraie précaution. Pourquoi ? Parce que vous seriez déjà rôti par la température et réduit en purée par la pression, très rapidement. Donc si on a un, il faut mettre un petit panneau devant et écrit « Attention, danger ». C'est important. Attention, sortie de camion, chantier, tout ça. Ouais, voilà. Il y a un vrai chercheur qui a fait l'étude en 2015, en faisant abstraction du coup de cette température et de cette pression. Et déjà, il faudrait que le trou aille du pôle nord au pôle sud. Parce que si ça allait d'un autre endroit de la Terre, on s'écraserait sur les côtés tout de suite, à cause de la force de Coriolis. Et du coup, un trou du pôle nord au pôle sud, je vais vous décrire un peu le voyage. Du coup, on saute du pôle nord, on mettrait 38 minutes et 11 secondes à aller de l'autre côté. C'est rapide. Ah ouais, ouais. C'est incroyable. On met 4 heures pour pour faire 12 000 kilomètres. Là, on mettrait 38 minutes, c'est assez rapide. Bah oui. Donc, on atteindrait les 8 km secondes. On ralentirait un petit peu au centre de la Terre, un petit peu. D'accord. Et on arriverait en fait tout en douceur de l'autre côté, avec les forces gravitationnelles. Mais pas en vie, quoi. Et quand on arrive de l'autre côté, attention, c'est important, il faut toutefois bien s'accrocher et vite fuir. C'est le chercheur qui le précise. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que sinon, on repart dans l'autre sens. Oh merde. Et indéfiniment, et on ferait comme un pendule indéfiniment de. Oh, c'est con ! C'est ouais. Dingue. T'arrives en haut, tu fais bonjour, j'aimerais une bière, mais je reviens. Dans 38 minutes. C'est ça. Les infos de Glandu, n'hésitez pas à lui poser des questions. C'est sur l'application Malu dans le 6-9. On revient tout de suite. On va écouter Dua Lipa. Et rendez-vous avec Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Il a décidé aujourd'hui d'appeler quelqu'un pour lui dire qu'il sentait pas très bon. C'est pas gentil. Non. Mais c'est drôle. A tout de suite. Manu. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. Gagnez vos places pour le Baroukaville, le plus grand festival électro d'Allemagne. Avec la phrase Énergie. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio des plus grands festivals, c'est Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de partir voir. This is Martin Garrix. C'est David Guetta sur Énergie. This is Axwell and Ingrosso. Et les top DJ mondiaux au Baroukaville en Allemagne. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour, avec 50% d'économie sur plein de produits, comme par exemple sur la bouteille de Pastis 51 de Marseille. Génial! Et en plus, il est garanti meilleur promo. Résultat des courses, un été sous le signe des économies. Jusqu'au 25 juin, c'est le mois des estivales dans vos hypermarchés Carrefour et aussi dans leur drive, avec 50% d'économie créditée sur votre carte Carrefour sur de nombreux produits de grandes marques. Carrefour. 70 centilitres, nous vous remboursons automatiquement la différence si une promo est meilleure ailleurs au même moment. Détails, produits et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. J'aime les plages désertes, me retrouver seul face à l'immensité de l'océan. Et partir en jet ski à fond dans les vagues. Alors les dauphins, on fait la course. Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60 euros, Chris vous offre la deuxième. Classique ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer. Chris, opticien officiel du Tour de France. Valable dans les magasins Chris et sur Chris.com sur une sélection de montures. Offre non cumulable avec des promotions en cours. Conditions en magasin ou sur Chris.com. Edelweiss ! Nous assistons à un moment unique. La présentation de la bière sans alcool Edelweiss saveur citron givré. D'un côté, la fraîcheur de la bière blanche Edelweiss 0% alcool. De l'autre, ses notes acidulées de citron givré 100% gourmande. Oui, c'est une Edelweiss saveur citron givré sans alcool. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Allez, j'y vais, Louise. J'ai adoré ta déco. Cette horloge, cette lampe. C'est Atmosfera, c'est ça ? Oui, mais tu pars avec ma chaise, là. Ah oui, oups. Avec Atmosfera, créateur d'intérieur, libérez votre pouvoir déco.

Dans 50 ans, certains prédisent que les robots nous remplaceront. Ouais. Pourquoi attendre 50 ans? Nous avons avec nous Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui appelle des gens au hasard pour leur dire des choses. Des choses qui sont embarrassantes. Comme par exemple, vous sentez mauvais. Ça, c'est pas bien. Mais c'est rigolo. Allô? Bonjour, ceci est un message automatique. Bonjour. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir. Vous avez mauvaise odeur. Je dois raconter d'avoir des conneries, là. Vous sentez mauvais. Ouais, et puis vous... Il existe aujourd'hui d'excellents savons. Et vous, vous sentez pas mauvais, vous? Vous puez, mais ce n'est pas irrémédiable. Bon, allez vous laver, après on repart ensemble. Nous voulons vous tendre la main. Oui, moi aussi, c'est pour vous aider. Il faudra mettre vos bégons, un truc comme ça, quoi. Il n'y aura plus d'odeur après. Hein. C'est même pas si vous restez des os. Faut vous laver avec aussi, autrement. Merci de bien prendre cet appel. Pourquoi ce problème, il pue? Bah, il pue, il paraît qu'il pue, monsieur. Il pue d'où, hein? Bah, il pue du c***, quoi. Bah, je crois que c'est de la bouche, ouais. Oh, merde. Oh, non. Il faut mieux les avoir au téléphone qu'en vrai à la maison, eux. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. 9h23, on va s'écouter Dua Lipa. Et juste après, je vous rappelle cette étude qui dit que les objets que l'on prend le plus en vacances quand on part, c'est des ustensiles de cuisine, nos draps et numéro 1, notre oreiller. Mmh. Qu'est-ce que vous prenez systématiquement quand vous partez en vacances? On vous prend au téléphone juste après Dua Lipa sur Énergie. Bon réveil, bienvenue. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give up. I see you trying to get to me. I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. You say I'm sorry. Bienvenue sur Énergie, les 9h26. On n'est pas encore parti parce qu'on est de la glu. Ouais. On vous laisse jamais. Juste après nous, il y aura la playlist Énergie qui va démarrer. Il y aura le dernier Ariana Grande, il y aura aussi Slimane. On va partir dans quelques temps. dans quelques heures là. Ah ouais, ouais, on va partir pour préparer. Enfin, c'est un grand mot, préparer. Ouais. Notre dernière semaine d'émission sera en direct du Gros du Roi. On vous rappelle que si vous voulez venir, on n'est pas loin de Nîmes, c'est pas loin de Montpellier, de Marseille. Si vous voulez venir, vous allez sur manudansle69.com pour vous inscrire tout simplement. Ouais. 300 d'entre vous chaque matin pourront venir assister en direct à l'émission. Trop bien. Et à propos de vacances, je vous rappelle que nous avons une étude qui nous donne les objets qu'on emmène systématiquement avec nous en vacances. Les ustensiles de cuisine, les draps et numéro 1, l'oreiller. Qu'est-ce que vous emmenez systématiquement avec vous quand vous partez en vacances? Magali, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie, Magali, on t'écoute. Écoute, moi je ne pars jamais sans ma boussole. J'ai toujours peur de me perdre, donc elle est vraiment indispensable. Il faut que je sache où est le sud, où est le nord. Alors, Magali, à part si tu habites en forêt, sinon il y a des trucs qu'on appelle par exemple les panneaux, le GPS, voire les cartes. Mais une boussole pour te repérer. Parce qu'une fois que tu sais où est le sud, ça t'aide pas non plus à aller où tu veux aller. Non, mais où que j'aille de toute façon, même si c'est en ville, il faut que je cherche. Ah oui, non, mais tout le temps. Mais par exemple, t'es en ville, tu veux aller à la boulangerie, tu sors ta boussole. Ah, le nord est là-bas. Bon, bah, t'as pas trouvé la boulangerie. Ouais. Non, certes. Elle adore sa boussole. Magali, on va pas argumenter, t'es taré. Je te souhaite une belle journée, un bon week-end en forêt avec ta boussole, Magali. On t'embrasse fort. Paulette ? Ah, moi, c'est le doudou de mon chat. Je le prends toujours avec moi, avec son odeur dessus. C'est trop bien. C'est un vieux bout de tissu. Et pourquoi tu prends pas directement ton chat ? Ah, bah j'aimerais bien, vous voulez qu'il vienne ? Non, prends le doudou. Bah voilà. Qu'est-ce que vous prenez systématiquement en vacances glandues ? Moi, c'est mon canif. Mon canif France 98. on sait jamais. Non, c'est un canif déjà, c'est un vieux canif porte-bonheur que j'aime bien. Hein? Et puis on sait jamais ce qui peut se passer quoi. Le loup bar. Ah ouais, c'est clair. Attends, ça veut dire quoi? On sait jamais ce qui peut se passer. Non, mais un pique-nique, un truc comme ça, un pique-nique imprévu, un saucisson sur une aire d'autoroute. Ah, voilà. Combien de fois j'ai acheté des saucissons? Et ben j'étais bien content de l'avoir ce canif. L'aventurier à deux balles. On a Justin ou Justin, je ne sais pas. Bonjour. Salut Manu, salut toute l'équipe. C'est Justin ou Justin? Justin, ça ressemble plus au saucisson qu'au chanteur. On t'a pas vu Justin, on se permet pas. Qu'est-ce que tu prends systématiquement avec toi quand tu pars en vacances? Alors moi, figurez-vous que je suis célibataire depuis plusieurs années malheureusement, et l'outil indispensable, je pense que tu me vois venir Manu, que je prends en vacances, ce sont les préservatifs. Ah ouais, mais c'est bien. Mais bravo, c'est bien. Je te félicite. Ouais, c'est bien, ouais. Mais Justin, c'est très très bien ça. Bah, oui. Et ben bah, ne les oublie jamais, bah, même pas en vacances d'ailleurs. Ah ouais. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et tu sais, voilà. Ouais. Justin, il est au bout du rouleau. Ouais, Justin est un peu là il y croit plus. Tu pars un peu perdant, tu sens qu'il le prend dans sa valise mais qu'il les utilise pas. Voilà. Il revient à la maison. Voilà, je vous pose là. Il faut pas regarder la date de péremption, hein. Je l'ai longtemps. Tu sais quoi Justin, on te souhaite de tous les utiliser pendant l'été. Ouais. Bah, on croise les doigts. Pardon ? Je croise les doigts. Nous aussi. Ouais. Au pire, tu fais des ballons. Tristesse de Justin, sur, c'est quoi ? À genoux sur une digue en train de souffler dedans. On te souhaite une belle journée, un bel été, Julien, des belles vacances. Allez, on va s'en aller. Il est 9h30, on sera de retour lundi à partir de 6h en public. Ouais, vous voulez venir nous voir, vous vous inscrivez sur manudansle69.com. Ah ouais. On sera tous au Gros du Roi, sauf Laure. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière émission de Laure avec nous. Ouais. Après un an à avoir passé avec nous, parce que Laure va partir vers de nouvelles aventures. Tout à fait. On peut en parler discrètement. Ouais, vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. De la musique. Eh ouais. Elle revient à ses premières amours. Je vous rappelle que Laure, avant d'être Laure, ça s'appelait Coxie. Ouais. Et qu'elle chantait garçon. Et qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Mais juste qu'on ait l'exclusivité quand ça arrive. Avec grand plaisir. Ok. Ça marche. Et attends, bouge pas. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Attends. Tu t'en vas. Ah, il se tire. Bon, bah salut. Le mec veut même pas me dire au revoir. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais, Emmanuel? Non, je pars. Ok. Ah, salut. Regarde. Oui. Non, c'est de la part de toute l'équipe. Oh non, trop mignon. C'est un vrai bouquet de fleurs. Ah, il est beau. Ouais, c'est cool que ce soit un vrai. Merci beaucoup, c'est trop mignon, ça me touche vachement. C'est un vrai bouquet de fleurs pour toi. Ben, c'est adorable. Voilà. Je vous embrasse pas parce que c'est pas pratique, mais non, je le carrier. Alors, c'est un bouquet pétard, il va exploser dans 2 minutes. C'est trop mignon, merci beaucoup, ça me touche. Et belles aventures à toi, bonne continuation. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Et ben nous aussi. 9h31, les amis, on part à la plage, nous, hein, du coup. Allez. On sera au Gros du Roi toute la semaine prochaine. Passez un bon week-end. À lundi, les Wawa. À lundi.